السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فدرس اليوم بإذن الله تعالى هو في العقيدة دائما، واليوم إن شاء الله نحن في الثالث من ذي الحجة 1427 الموافق ل 23 ديسمبر 2006، صح؟ يعني يعني ساتليك او 23 ديسمبر 2006، سي لو 15e cours في العقيده ان شاء الله تعالى. Je dis cela pour يعني ceux qui enregistrent que les cours ne se mélangent pas. Aujourd'hui, c'est 3 ذو الحجة 1427 بتاريخنا الاسلامي، et le 23 décembre 2006 le tarikh al-Nasara, tarikh al-Nasara. Et c'est le 15e cours ibnillah subhanahu wa ta'ala. La fois passée, on s'était arrêté quand on avait dit, et toujours dans le livre de l'Aqid al-Wa, c'était Yalich al-Islam Taymiyyah, expliqué par Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah, et moi j'explique ce que Cheikh a expliqué et je résume. Et bien sûr, j'ajoute des choses et des fois, j'enlève des choses que je vois, par exemple, qui ne sont pas de notre niveau, ou de votre niveau. C'est quoi ? Yani, je laisse jusqu'à ce que, inshallah ta'ala, le niveau soit assez élevé. Mais c'est rare que je sorte des choses. C'est vraiment rare. Je dis que on s'était arrêté quand on avait dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fallait croire en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrivait aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Car, j'ai dit, je redis, personne ne connaît Allah subhanahu wa ta'ala plus que lui-même se connaît, Azza wa Jal. En deuxième position, personne ne connaît Allah subhanahu wa ta'ala comme le connaît son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il décrit Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il le décrit en parlant, des fois il le décrit en faisant un geste, et des fois il le décrit quand il entend quelqu'un le décrire en consentant. Il ne lui dit pas tu t'es trompé. J'avais donné une règle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jamais n'accepte que quelqu'un fasse une faute devant lui et se taisait. C'est une règle. C'est pour ça, si on voit quelqu'un dire quelque chose devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien faire quelque chose, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam si tu cette chose se fait, si c'était haram, il lui aurait fait la remarque, il lui aurait dit, en islam on ne fait pas ceci, ou bien on ne dit pas cela. C'est comme, pour donner l'exemple, c'est comme la bergère par exemple, qui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala était au-dessus des cieux. Aïn Allah, si c'est un au-dessus des cieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si elle avait dit faux, il lui aurait corrigé. Mais bien au contraire, il a approuvé ce qu'elle avait dit, et il avait demandé à son propriétaire de la franchir. Yani parce qu'elle avait dit juste. C'est pour ça que se trompent beaucoup ceux qui croient qu'il est interdit de poser la question où est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, si tu dis où est, tu l'as mis dans un endroit. Où est le directeur? Où est mon père? Où est ma voiture? Allez, ils sont tous dans un endroit. Il me semble que c'est le 16e cours. De toute façon, moi j'ai vu dans le blog, c'est écrit 12e cours. Le dernier, c'est le 12e. Et il manque deux cours, le 13e et le 14e, que je n'ai pas reçu pour les causes que je connais, Inch'Allah Ta'ala. Donc je crois que c'est le 15e. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Peut-être c'est le 16e, peut-être. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait jamais que quelqu'un fasse une erreur, pardon, fasse quelque chose de faux devant lui. Mais toujours qu'il corrigeait. Ça s'appelle sunnah taqririya. Taqririya. C'est-à-dire, quand il voit quelqu'un ou là, il entend quelqu'un dire quelque chose, il se tait, c'est-à-dire cette chose se fait. Cette chose se fait. Dans la règle, la yajouz ta'khirul bayan an waqtil haja. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laisse pas quelque chose qu'il fallait dire et il ne l'a dit pas en son moment. Toujours, il l'a dit en son moment, Inch'Allah Ta'ala, et montre la faute en son moment aussi. Je disais que, non, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec une salam, Allah Barakou? Non, Barakou, Jazakallahu Khair. Non, barakallahu. Non. Bon. Quant à aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, min ghayri tahrif wa la ta'til, wa min ghayri takyif wa la tamthil. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est décrit, et nous, on maintient les attributs dont il est décrit, mais de sorte que il n'y ait ni déformation, ni négation, ni on demande comment, ni on le fait ressembler. Il y a quatre choses très très importantes. Car il est possible que quelqu'un dise, d'accord, je décris Allah comme il s'est décrit. Allah a dit, yadah mabsoutatan, il a dit ses deux mains sont largement ouvertes, donc il a deux mains comme mes mains. On va lui dire, attention, il faut que tu conditionnes ces choses-là par quatre choses. Tu dois faire quatre choses. Avec chaque attribut, tu ne dois pas faire quatre choses. Ces quatre choses, c'est Inch'Allah Ta'ala le dars d'aujourd'hui. Je disais, car il est possible que quelqu'un dise, naam, je reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est décrit de tel et tel attribut, mais il croit que peut-être yani, ça nous ressemble. C'est pour ça que il ne doit pas faire quatre choses. La première des choses, il ne doit pas déformer. La déformation, on avait dit, c'était le dars du samedi passé, Inch'Allah Ta'ala. Juste une petite révision, il ne doit pas faire de déformation, c'est-à-dire, il ne doit pas, et la déformation, des fois, on ajoute quelque chose, et des fois, on retranche, et des fois, on change le sens. La déformation, des fois, pour déformer, on ajoute quelque chose. Et des fois, pour déformer, on retranche quelque chose, on efface quelque chose. Et des fois, pour déformer, on laisse le mot tel qu'il est, mais on déforme seulement le sens, sans toucher le mot, sans lui ajouter, sans lui retrancher. On déforme seulement son sens. J'avais donné un exemple de en ajouter quelque chose. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum » et Warsh, il a dit « Nughfir lakum » Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dites hettaton. Dites hetta. Hetta, c'est, ça veut dire la ilaha illallah. Pourquoi ça s'appelle hetta? Car ta hotto, elle enlève les péchés. Car qui dit la ilaha illallah? Muhammad Rasulullah, il a dit, de l'intérieur de son cœur, avec sincérité, s'il meurt d'Ibn Azza wa Jal, il a le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, il le fera rentrer au paradis. Non, il meurt avec la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, il a le pacte que Allah subhanahu wa ta'ala va le faire entrer au paradis, bien sûr, sauf s'il a annulé ce pacte. C'est comme à peu près les ablutions. Quand on a les ablutions, ça veut dire, alhamdoulilah, si tu vas faire la salat, elle sera, Inch'Allah ta'ala, juste, elle sera juste ta salat. Je ne vais pas dire accepter. Seul Allah sait de qui il accepte et de qui il n'accepte pas. Il a dit, il n'a pas accepté Allah, il n'a pas accepté. a dit j'accepte les pieux. Mais ma'alish, mais quand je fais des ablutions, ma salat est vraie. Ça veut dire sahiha. Je n'ai pas dit accepter, j'ai dit elle est sahiha. Mais à condition que je n'aille pas aux toilettes et que je n'urine pas, sinon mes ablutions ont été annulées. C'est la même chose, la ilaha illallah. Quand on l'a dit, on est rentré en islam. Mais il ne faut pas l'annuler. On l'annule en insultant Allah subhanahu wa ta'ala ou l'iyadu billah. Ou bien en insultant l'islam. Ou bien en insultant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien en disant que l'islam c'est quelque chose yani, d'arriéré. Donc ça ne marche pas avec le 2006. 2006, là, les gens sont partis à la lune, etc. L'islam, là, c'est Dieu. Des choses comme ça annulent l'islam. Des choses comme ça annulent l'islam. Sauf si on est vraiment, vraiment djihad. Sauf si quelqu'un vraiment de djihad, qui ne sait pas quelqu'un de djihad, qui ne sait pas qu'est-ce qui sort de sa tête, celui-là peut-être, Inch'Allah Ta'ala, il est excusé. Donc je disais, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dites hepa. Les Yahoud ont dit hepa. Ils ont ajouté un N. Tout a changé. C'était hepa la ilaha illallah. C'est devenu l'orge ou le blé. Hinta. Le blé ou l'orge ou la farine ou quelque chose comme ça. La hawla la quwwata illa billah. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté une petite lettre, un L. N, pardon, un N. C'était hepa. Ils ont dit hinta avec N. La hawla la quwwata illa billah. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit istawa, istawa, c'est établi. Eux, ils ont dit istawla. Ils ont ajouté un L aussi. L. C'est istawa, c'est devenu istawla avec L. Et une grande différence entre istawa, c'est établi Allah subhanahu wa ta'ala, et entre istawla, il a conquis. Il a conquis le trône, istawla. C'est comme ça que disent les Ash'ari et les autres, les sectes. Sont égarés, elles ont dit quoi ces sectes? Elles ont dit Staoula, il a conquis le trône. Et Al-Sunnah al-Jama'a disent Staoua, il s'est établi au-dessus du trône. Quand on dit il s'est établi, ça ne veut pas dire qu'il touche le trône. Moi, quand je me mets sur ma chaise, il faut que je la touche, sinon je suis sur la chaise, je ne suis pas assis sur la chaise. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est sur son trône. Sans que ça touche, il n'y a pas moumessa. Il n'y a pas l'ayamous. C'est comme moi je dis, le plafond est au-dessus de moi. Mais le plafond ne touche pas ma tête. Je dis le ciel est au-dessus de moi. Le ciel n'est pas posé sur ma tête. Allah est au-dessus du trône. Ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus de lui, de façon à ce qu'il le touche. De façon à ce que si on enlève le trône, il y a un Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, il va tomber, ou là, la hawla ou la quwwata illa billah. Il n'y a pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne touche pas le trône. Seulement, il est au-dessus de lui. Il est plus haut que lui. Yani, le trône est en bas, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute créature. Mais quand tu dis istawla, ça veut dire conquis. Donc, si tu dis conquis, ça veut dire, astaghfirullah, qu'il y a eu une guerre. D'abord, une guerre entre Allah subhanahu wa ta'ala et qui? Avec qui? Peut-être avec un autre Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait la guerre, il a triomphé sur lui, il a conquis le trône. Il a pris le trône. Ça veut dire Staoula. Donc ça c'est le coffre. Donc si tu dis Staoula, tu peux rentrer dans le coffre. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ensuite j'ai dit que il y avait aussi des déformations. Ça peut venir aussi de quand on déforme un mot. On déforme yani. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit An'amta alayhim, quelqu'un va dire An'amtu alayhim. An'amtu, ça veut dire c'est toi qui fais la ni'ma. Allah ta'ala a dit An'amtu, c'est la dina An'amta alayhim. An'amta, yani Allah subhanahu wa ta'ala, tu parles, Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui dis Anta, c'est toi, An'amta, c'est toi qui as donné ces ni'ma. C'est pas moi. Si tu dis An'amtu ana, ça veut dire ta salat est batila, bien sûr, et tu rentres dans le ithm. Si tu le fais exprès, tu rentres dans le ithm, et pourquoi? Tu as déformé. Comme ont déformé les jahmites. Ils ont déformé lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa kallama Allah Musa taklima. Ils ont déformé. Ils ont dit wa kallama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وكلم الله et Allah a parlé à Moussa. Eux, ils ont dit وكلم الله Moussa. Ça veut dire c'est Moussa qui a parlé à Allah. Et nous, on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset pour prouver que c'est lui qui a parlé. C'est pas Moussa qui a parlé. Moussa a parlé, alayhi salam, tout le monde peut parler à Allah. Toi, quand tu dis Allahu Akbar dans la salat, ensuite tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu parles à qui? Tu parles à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah voulait montrer, voulait nous montrer un attribut, c'était qu'il parlait aussi. C'était lui qui parlait. Et pas seulement nous lui parlons. Lui, il nous parle aussi. Mais les jahmites ont enlevé le O, kallam Allah, et ils ont rendu A. C'est-à-dire que Allah, c'était sujet, c'est lui qui avait parlé. Ils l'ont rendu complément d'objet indirect. On lui a parlé. Allah, on lui a parlé. Moussa, lui a parlé. C'est pas Allah qui a parlé. On dit toujours, qu'est-ce qu'on dit? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ensuite, bien sûr, Al-Sunnah al-Jama'a, on dit, alors qu'est-ce que vous faites du verset qui dit وَلَمَّا جَاءَ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ كَلَّمَهُ رَبُّهُ. Et lorsque Moussa est venu à notre rendez-vous, et son Dieu, رَبُّهُ, يعني Allah, lui a parlé. Allah lui a parlé. Qu'est-ce que vous pouvez dire ici? كَلَّمَهُ رَبُّهُ. Ici, يعني non, bien sûr, aucune excuse. Tout ça, c'était la première des choses qu'on devait attester, donc, l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala sans déformation. Et des fois, on peut déformer le sens. Ça aussi, c'est grave. On déforme le sens. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Yadah mabsutatan, ses deux mains sont largement ouvertes, il y a quelqu'un qui va dire, d'accord, tu reconnais qu'il a deux mains. Parce qu'il a dit Yadah. C'est bon, Moussana en français, je ne sais pas comment dire. Donc, il y a deux mains ici. Il y a deux mains, ça, je reconnais. Mais, ce n'est pas des mains que Allah subhanahu wa ta'ala parle. Alors, de quoi parle-t-il? Il veut dire qu'il a deux forces. Non, ce n'est pas le féminin. Féminin ou annas. Non, c'est Moussana. Il a deux puissances. Il a deux puissances. La main, c'est le symbole de la puissance. La main, c'est le symbole de la puissance. Duel. Non, comme je dis par exemple, X a une main forte. X a une main forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est puissant. On dit à quelqu'un, ne t'en fais pas, n'aie pas peur. J'ai une main forte avec X. Ça veut dire, j'ai de bonnes relations avec lui, etc. Ici, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, je reconnais, il a deux mains, mais ce n'est pas de vraies mains. C'est deux puissances ou les deux forces là. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, ça rentre dans la déformation. Quiconque dit comme ça, il n'est pas de Ahl Sunnah ou Jama'a. Il est sorti de Ahl Sunnah ou Jama'a. Non? Donc la déformation peut être aussi au niveau de quoi? Au niveau du mot. On laisse le mot, on le laisse, les mains. On laisse, on dit oui, il a des mains, mais on altère le sens. On altère le sens. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit que dans le hadith sahih, que Allah subhanahu wa ta'ala, chaque nuit, dernier tiers de la nuit, il descend. Chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend jusqu'au premier ciel qui est au-dessus de notre tête. Les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, d'accord, il descend, mais ce n'est pas lui. D'accord, Allah subhanahu wa ta'ala descend, mais ce n'est pas lui. Alors, qu'est-ce qui descend? Ils disent, c'est sa rahma qui descend. C'est la rahma. Hein? On sent quelque chose dans le cœur, mashallah. Car la rahma est descendue. Et bien sûr, ceux-là ont déformé le texte, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu yenzil, Rabbuna yenzil. Il n'a pas dit la rahma. Et vous savez que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Rabbuna yenzil, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit, il a dit, il demande trois choses. Est-ce que quelqu'un de vous a fait des péchés, je lui pardonne? Est-ce que quelqu'un a des vœux, je les lui exauce? Il dit trois choses. Eux, ils disent c'est la rahma. Donc nous, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit donc, non, qui m'invoque, je l'exauce, on leur dit donc, c'est la rahma. Donc il y a, la rahma est devenue aussi Allah. Elle est devenue un dieu, la rahma. Pourquoi? Parce qu'elle dit, qui me demande, je lui donne, qui m'invoque, je l'exauce. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire cela. Donc il y a Allah qui peut faire cela, et il y a Rahma aussi qui parle. Ensuite la Rahma elle parle. Elle dit, est-ce que vous avez quelque chose, vous donne, subhanallah al-azim, la Rahma parle. Donc c'est avec cette ce délit que Ahl Sunnah al-Jama'a ont en fait taire les autres. Ensuite, bon, ça c'était le dars passé. Maintenant, la deuxième des choses, la première des choses, on ne doit pas déformer. La deuxième des choses, on ne doit pas nier. On ne doit pas nier. On ne doit pas nier, c'est yani, celui qui nie, c'est quelque chose bien sûr de grave. C'est quelque chose de grave. Avant cela, Cheikh Allahyarhamou, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, Ibn Taymiyyah Allahyarhamou a employé le mot tahrif. Il a dit, sans déformation, min ghayri tahrif. Il a dit, la plupart disent, min ghayri ta'wil. La plupart disent, min ghayri ta'wil. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, ce qu'a dit Ibn Taymiyyah est mieux. Pourquoi? Il a donné à peu près une, deux, trois raisons, trois ou quatre. Il a dit, la première raison, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, tahrif, n'a pas dit ta'wil. Et quand on marche, on maintient les mots qu'il y a dans le Coran et dans le hadith, c'est mieux que d'inventer des mots de notre tête. Ça, c'est la première raison. Donc, quand tu dis tahrif, c'est mieux que tu dis ta'wil. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, yuharrifun al-kalima an mawadi'ah. Il a employé le mot yuharrifun. Donc, nous, plus tu tiens sur le Coran et la Sunna, tu n'inventes pas des mots de ta tête, plus c'est mieux. Donc, elle dit, c'est la première cause. La deuxième des causes, il a dit, quand on dit à quelqu'un, on emploie le mot ta'wil, on dit celui-là, il a fait le ta'wil, au lieu de dire il a fait le tahrif, il a dit, ça fait pas beaucoup peur aux gens. Ils disent ta'wil, c'est pas grave. Ta'wil. Mais quand tu dis tahrif, tout le monde dit, a'oudou billah, X fait le tahrif. Oh, la déformation, c'est grave. Mais si tu dis ta'wil, vous allez voir, je vais montrer que ça se peut que ça soit quelque chose de bien même. Ça se peut que le ta'wil soit bien. C'est pour ça que les gens n'ont pas peur que tu dis ta'wil. Tu dis tahrif, c'est mieux pour les faire fuir. Troisièmement, il a dit, car le mot ta'wil n'est pas toujours critiqué. Non, le mot ta'wil, le ta'wil se divise en deux parties. Il y a un ta'wil qui est accepté et un ta'wil qui n'est pas accepté. Donc toi, quand tu dis ta'wil, ils disent peut-être qu'ils parlent du ta'wil qui est accepté. Donc le ta'wil, des fois il est accepté, des fois il n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que le ta'wil a plusieurs sens. Des fois le ta'wil, ça veut dire le tafsir. C'est la même chose. Le ta'wil, ça veut dire le tafsir. C'est pour ça, si vous lisez, par exemple, si vous avez lu ou vous lisez Tafsir al-Tabari, le grand savant Tabari, alayhi rahmatullah, ouvrez, il a un tafsir, je ne sais pas combien de tomes, 15 ou les 16 tomes là, ouvrez n'importe quel tome et lisez n'importe quel surah. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Allah yarhamou? Il dit par exemple, Tabbat yada Abi Lahab, il va expliquer Tabbat yada. Tabba. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va dire Ta'wiluhu. Ça veut dire tafsir. Ta'wilu عند العلماء هو كذا وكذا. Donc le mot ta'wil, il peut signifier tafsir. Ça dit premièrement. Deuxièmement, le mot ta'wil peut signifier, ça veut dire qu'est-ce qui le devenir de la chose. Le résultat. Ça s'appelle ta'wil. Ça s'appelle le résultat. Et quand j'ai dit tout à l'heure, maintenant, quand j'ai dit que le ta'wil peut avoir le sens de tafsir, c'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un doua à Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, son cousin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allahumma faqihu fi din, wa allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fi din, wa allimhu ta'wil. Rawa l'imam Ahmed, wa sahahu, Ahmed Sheikh rahimahullah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse apprendre à Abdullah ibn Abbas, qu'il lui apprenne le ta'wil. Donc, le ta'wil, c'est quoi ici? C'est le tafsir. C'est pour ça que, dans les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, il n'y avait pas quelqu'un qui connaissait l'explication du Coran plus que Abdullah ibn Abbas. Il n'y avait pas quelqu'un qui connaissait l'interprétation du Coran plus que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhum. C'est pour ça que même dans la aqidah, quand tu lis la aqidah, tu lis par exemple Ithar al-Haq al-Khalq, Ibn al-Wazir, qu'est-ce qu'il a dit dans ce livre, Ibn al-Wazir l'Armo? Il a dit, si jamais deux explications du Coran se contredisent, quelqu'un dit quelque chose, voilà ce que veut dire ce verset, et un autre dit le contraire de ce que veut dire le verset, et que l'un des deux qui ont dit, c'est Abdullah ibn Abbas, il a dit, tu prends avec ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Pourquoi? Parce qu'Abdullah ibn Abbas a cette particularité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui apprenne spécialement comment interpréter et expliquer le Coran. Il a dit, Allahumma allimhu faqihu fid din, fait de lui un savant dans la religion et plus précisément dans le Coran. Naam, Abdullah ibn Abbas dans le Coran. D'ailleurs, je vous donne une preuve très simple qu'il était le plus fort en ce qui concerne l'explication du Coran. Une fois, Omar Bukhtab, radiyallahu ta'ala anhu, quand il s'asseyait comme ça, et que les gens s'asseyaient en face de lui, autour de lui, toutes les fois, il demandait à Abdullah ibn Abbas d'être parmi les premiers rangs, parmi les premiers, dans le premier rang. Alors, une fois, les gens ont dit, les gens, les vieux, vous connaissez le caractère des vieux, ils ont dit, écoute, ya Omar, toi, tu avances Abdullah ibn Abbas dans le premier rang. Il est jeune, il avait peut-être, car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a laissé Abdullah ibn Abbas, il avait tout juste 14-15 ans. Il allait juste, il intéresse, comme il a dit lui, il intéresse le boulot, il allait juste devenir pubère. Donc, après, c'était Abu Bakr, c'est-à-dire 2 années. Ensuite, Omar ibn Khattab. Donc, il avait à peu près 16 ans, 10 ans. Il avait 17, 18, avec des vieux de 60, 70 ans. Ils ont dit, comment tu le fais, tu le mets dans le premier rang? Qu'est-ce qu'il leur a dit, Omar ibn Khattab? Il leur a dit, écoutez, vous allez comprendre pourquoi je le mets dans le premier rang. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, « Ida da'a nasrullahi wal fath » ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Qui de vous, ici dans toute la salle ou là dans toute la mosquée, peut me dire l'explication de cette sourate? Certains ont répondu, comme on aurait nous répondu, إذا جاء نصر الله, donc si tu vois la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala, يعني, par exemple, خلاص, vous avez conquis la Mecque, etc. Ensuite, les gens rentrent par groupe, deviennent musulmans et se convertissent. Tu dis subhanallah, l'adhim, subhanallah, subhanallah, bihamdir, ostakhfirhu, et fil istighfar, inna ukana tuwabin. Voilà la réponse qu'ils ont dit. Ensuite, Omar Bukhtab a dit, et toi, Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce que tu dis de cette sourate, c'est quoi son explication? Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit, cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre pour apprendre à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait mourir. La hawla wa la quwwata illa billah. Tout le monde s'est étonné. Où est-ce que c'est écrit ici que tu allais mourir? Il n'y a pas. C'est quelque chose de bien. Les gens vont entrer en islam, etc. L'Ibn Abbas leur a expliqué, il leur a dit, l'Aspanah lui a dit, وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينَ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Il a dit, quand il a dit, سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ, ça veut dire, tu as terminé ta mission, il te reste de faire le tasbih et de dire, استغفر الله, ça veut dire, tu te prépares pour que je te fasse, yani, j'envoie l'ange de la mort, là, tu as terminé la mission. C'est comme nous. Vous remarquez, quand on termine la salade, qu'est-ce qu'on fait? Quand on termine, on dit salam alaikum, salam alhamdulillah, astaghfirullah, l'homme de salam, l'homme de salam, tabarak al-jalal ikram. Ensuite, on commence, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'on a terminé la salade. Ça y est, on a terminé. Regardez, Abdullah ibn Abbas, le seul parmi tous les autres, a compris que Allah subhanahu wa ta'ala voulait lui dire qu'il ne te reste pas beaucoup et tu vas mourir. Donc, il leur a dit, Omar ibn Khattab, c'est pour cela que je l'avance. Je l'avance pas parce que c'est je ne sais pas qui. Je l'avance à cause du ilm qu'il a. Naam, je l'avance à cause du ilm qu'il a. Comme quelqu'un aussi, quelqu'un une fois il a fait avancer un jeune, mais qui apprenait le Coran. On a dit à ce quelqu'un, pourquoi tu avances celui-là? Pourquoi tu avances pas quelqu'un de vieux ou de plus âgé? Il aura dit, c'est pour moi qu'il est avancé. C'est le Coran qu'il a dans sa poitrine. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous salli man aqra'ukum l'kitab. Celui qui connaît le Coran plus que l'autre, avec le Coran, avec les règles, bien sûr, c'est lui qui fait la prière de nous guide dans la prière. Il leur a dit, c'est pas moi qui l'ai avancé. Wallah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a avancé. Parce que c'est lui qui a dit, vous guide celui qui connaît le Coran mieux que les autres. Ensuite, j'ai dit que ça, on parlait toujours de ta'wil. Ta'wil, peut-être quoi? Peut-être tafsir, comme ici dans Abdullah ibn Abbas. Et ta'wil, peut-être le résultat et le devenir. Yani, ce qui va arriver, ça s'appelle ta'wil. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, « هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ » Est-ce qu'ils attendent seulement sa réalisation? Ta'wil, c'est la réalisation du chose. « يَوْمَ يَأْتِ تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَأَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ » Allah subhanahu wa ta'ala a dit, est-ce qu'ils attendent seulement sa réalisation? La réalisation de quoi? Yani des menaces de Allah subhanahu wa ta'ala et des promesses. Il a dit le jour, yoma ya'ti ta'wiluh, yoma, le jour ça viendra sa réalisation. Bien sûr, c'est un jour, ce sera un jour très grave. Ce sera un jour très grave pour ceux qui n'ont pas, yani, qui n'étaient pas croyants et qui n'appliquaient pas. La même chose, ta'wil, ça veut dire la réalisation. C'est comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, c'est Yusuf alayhi salam qui a dit, il a dit, هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَيَ مِنْ قَبْلَ. Ça, c'est la réalisation de mon songe. Mon songe. Il avait vu un songe, Yusuf alayhi salam, ça s'est réalisé, certains ulama ont dit, après 40 ans. Sauf que quand on voit un songe, il faut qu'il se réalise la semaine hadi. S'il ne se réalise pas, ça veut dire qu'il n'est pas un vrai songe. Alors que, des fois, il se réalise après 20, 30, 40, 50 ans. Naam. Peut-être tu vas vivre 70 ans, il se réalisera dans 40 ans. Quand tu auras l'âge de 50 ans ou là, il va se réaliser. C'est pas quand tu vois quelque chose, et même si elle est d'Allah subhanahu wa ta'ala, un vrai songe, ça veut dire il doit se réaliser dès la semaine. Allez, c'est pas vrai. Moussa alayhi salam, son songe est réalisé après 40 ans. Après 40 ans, et d'autres ont dit plus. Car d'autres ont dit que il n'a vu son père qu'après une absence de 70 ans. Certains ont dit 70 ans ou qu'il ait vu son père. Un mohim. Donc ici il a dit hada ta'wilu ru'yay. Donc le ta'wil ici, c'est quoi? C'est la réalisation de ce qui va, yani, ce qui va arriver. Ensuite, ensuite le ta'wil peut être, voilà, le ta'wil, quand on déforme, yani, le sens du mot, on le déforme. Par exemple, et quand on déforme, des fois on le déforme avec un dalil, et des fois on déforme sans dalil. Cheikh Nouakimin a dit, quand c'est avec un dalil, en un dalil, ça ne fait rien, c'est accepté. Mais, le madmoum, ta'wil madmoum, c'est quand on n'a pas dalil. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a dit, Ar-Rahman wa ala al-Arshi istawa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, c'est établi au-dessus de son trône. Quelqu'un va me dire, ce n'est pas établi. Il a conquis, il a ceci, il a cela. On lui dit, où est ton dalil? Il n'a pas de dalil. On lui dit, non, on n'accepte pas ça de toi. On n'accepte pas ça de toi. On accepte quand il y a un dalil. Quand on ne peut pas maintenir le mot comme ça, comme il est. Ça ne marche pas. Il faut lui faire un ta'wil, mais il faut un dalil. On donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Il dit, si tu lis le Coran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. Si tu, قَرَأْتَ en arabe, c'est-à-dire tu as lu, c'est pas tu lis, tu as lu. إِذَا قَرَأْتَ. Il n'a pas dit, تَقْرَأُ. Il a dit, قَرَأْتَ. Si tu as lu le Coran, tu dis, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et donc d'après le verset, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je termine le Coran, quand je termine, je dis que ça, par exemple, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, je dis pas A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, je commence direct, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid Wa Lam Yulad, Wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Ensuite, je dis A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Voilà ce qu'a dit le verset. Il a dit Fa'idha qara'ta al-Qur'an. Lorsque tu le lis, dis A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Il n'a pas dit lorsque tu commences à lire. Lorsque tu le lis, ça veut dire lorsque tu termines. Mais là, nous qu'est-ce qu'on dit? On dit Allah subhanahu wa ta'ala veut dire Ida qara'ta, c'est-à-dire Ida aradta an taqra. Si tu veux lire, c'est pas si tu as lu. Si tu veux lire, tu dis A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Alors là, on a fait un ta'wil. On a fait un ta'wil. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit si tu veux. Il a dit si tu lis. Si tu lis, ça veut dire quand tu termines en arabe. Alors quelle est la preuve? Pourquoi tu as ajouté si tu veux lire? On dit justement parce qu'on a un délil, sinon c'était haram. On a un délil. Quel est le délil? Le délil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que avant de lire le Coran, on devait dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, avant de lire le Coran, qu'est-ce qu'il commence par quoi? Par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il ne laissait pas à la fin. Donc, c'est la sunna qui nous a montré qu'est-ce que ça veut dire le verset. Et on a fait un ta'wil ici au verset, mais on a fait un ta'wil avec délil. On a un délil. Naam, on a un délil, sinon, c'est pas accepté. C'est un peu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْخَلَى مَلَا يَقُولْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ. Il a dit إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْخَلَى. Si quelqu'un, دَخَلَ, ça veut dire est entré. Si quelqu'un est entré dans les toilettes, qu'il dise A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, Ida Dakhala? Ça veut dire, s'il a l'intention de rentrer, s'il va rentrer, on ne dit pas A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim à l'intérieur, mais on dit avant de rentrer. Avant de rentrer, on dit Bismillah, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillah, quand tu dis Bismillah, c'est le hadith de Ali radiallahu ta'ala anhu, authentifié par Cheikh Al-Albani, quand tu dis Bismillah, c'est pour que les djinns qui se trouvent à l'intérieur des toilettes ne puisse pas voir ta aura. Quand tu rentres dans les toilettes, tu vas enlever tes vêtements, il y a les djinns qui sont presque toujours dans cet endroit où il y a les choses où il y a la souillure, etc., où il y a les choses chaudes, la chaleur, l'eau chaude, etc., tu trouves les djinns. C'est pour ça que dans le bain mort, il n'y a pas de souillure, mais il y a l'eau qui est chaude, donc il est interdit de faire la prière dans le bain mort. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, جُعِلَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا مَسْجِدًا إِلَّا الْمَقْبَارَ وَالْحَمَامِ. Sauf le maqbara, sauf le cimetière et le hammam, le bain mort. Le cimetière, on ne fait pas la prière à cause du shirk. Nous, peut-être qu'on va faire la prière pour Allah, mais la progéniture qui vont venir, nos enfants, etc., ils vont croire qu'on faisait ça pour la tombe. Ils m'ont dit, moi, là, je me souviens, je voyais mon grand-père faire la prière ici, mais c'est pour la tombe. Donc, c'est à cause du shirk. On ne doit pas faire la prière ou au cimetière, pour ne pas ressembler à quelqu'un qui s'incline pour le mort. Et le bain mort, on ne fait pas la pas à cause des djinns qu'il y a. Ici, la même chose. Quand on rentre aux toilettes, si tu dis Bismillah, les djinns qui sont à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font? Allah subhanahu wa ta'ala met un voile entre toi et leurs yeux. Devant leurs yeux, il met un voile, comme ça, quand tu es en train de faire tes besoins, il ne te voit pas. Il ne te voit pas. Parce que lui, quand il te voit, le djinn, quand il te voit, il trouve une jouissance, il trouve un plaisir à regarder le corps comme ça. Bien sûr, il ne peut pas toucher, mais il trouve un plaisir en regardant le corps de nos corps. Il trouve un grand plaisir. Donc, quand tu dis Bismillah, Allah subhanahu wa ta'ala met entre toi et lui une barrière, et quand tu ajoutes A'udhu billahi min al-khubthi wal-khaba'ith, ça veut dire que tu as demandé refuge auprès d'Allah. Min al-khubth, c'est les sexes masculins des djinns, et le khaba'ith, c'est le sexe féminin, c'est leurs femmes. Car ils ont des femmes, ils ont des épouses, ils ont des enfants, ils ont, dans le Coran, أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ الله تعالى dit, est-ce que vous voulez prendre le shaitan et ses enfants comme alliés? Donc, s'il a des enfants, est-ce qu'il a une femme aussi ou plusieurs femmes? Donc, quand on dit au khubthi ou al-khaba'ith, on a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala refuge, de façon à ce que les djinns ne puissent rien nous faire. Car des fois, il est assis devant toi, toi tu le vois pas, il est avec sa famille, ils sont en train de manger, ou là, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, peut-être en train de plaisanter, je ne sais pas quoi. On vient, on rentre, et des fois, sans le, ce qu'on les voit, on peut uriner sur eux. Quelqu'un est en train de, le djinn est en train, est assis, en train de manger, ou là, tu urines sur lui, parce que tu l'as pas vu. Alors lui, en se retournant, il frappe quelqu'un d'une claque. Il frappe, le, comment ça s'appelle, une claque, tafa. Lui donne un coup de... Comment que ça s'appelle ça fait une claque. Ça fait le mot, comment qu'il m'est venu. Hein. Zinjabila, j'attends la réponse. Dit, je lui ai donné comment, une gifle. Il se peut qu'il gifle quelqu'un. Voilà, il gifle quelqu'un, et ce quelqu'un, à la minute, naam, il dit yes. Jazakallahu khair. À la minute, qu'est-ce qui lui arrive? Il tombe et... On entend la cuisine, on entend que celui qui était dans les toilettes a crié et est tombé. Ensuite, on rentre à l'intérieur, on le fait sortir avec la joue qui a déjà, yani, qui est de l'autre côté. Yani, la joue, il a, yani, fait un ouïdjet. Maintenant, il faut lui faire la roquia, etc. et lui faire l'huile d'olive. On fait la roquia aussi sur l'huile d'olive et le masser avec cette huile jusqu'à ce qu'Inch'Allah il revienne, yani sa forme naturelle revienne. Et ceux qui ne savent pas, bien sûr, ils vont le prendre chez le médecin, ils vont à l'hôpital, ils vont lui faire une opération, je ne sais pas quoi, ou la dysthétique, ou là, parce qu'ils ne connaissent pas la roquia ou la houla ou la quwata ila billah. Et parce que, avant tout cela, parce qu'ils n'avaient pas pris leurs précautions, ils n'avaient pas yani, travailler avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit, la première des choses, c'était min ghayri tahrif. Maintenant, il a dit, min ghayri tahrif wa la ta'til. Al-ta'til, c'est quand tu nies. Tu te dis, Allah subhanahu wa ta'ala, demain, tu dis, non, il n'a pas demain. Tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala, descend, tu dis, non, il ne descend pas. Et la différence entre ta'til, la négation, et tahrif, la déformation, c'est que la déformation, c'est dans le texte, tu déformes le texte. Mais la négation, tu déformes le sens, Mathalan, dans un exemple. Si quelqu'un, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, bel yedeh mafsoutatan, ses deux mains sont tendues. Ses deux mains sont largement ouvertes. Il y a quelqu'un qui va dire, c'est pas les deux mains, c'est les puissances. Celui-là, c'est un déformateur. Il a déformé le délit. Et bien sûr, en même temps, il a nié le sens. Parce qu'il a dit, il n'a pas une vraie main. Il n'a pas de main. Il a deux forces. Donc, en même temps, il a nié. C'est pour ça que chaque déformateur, c'est un négateur. Chaque déformateur, quiconque, qui déforme, ça veut dire qu'il a nié. Non, si je déforme la main, je dis autre chose. Ça veut dire que j'ai nié, donc il n'a pas de main, et je donne un autre sens à la main. Donc tout déformateur est un quoi? Est un négateur. Non, il déforme. Pourquoi? Parce qu'il nie. Il dit non, c'est pas comme ça, c'est pas comme vous avez compris, vous. Ça a un autre sens. Donc en déformant, il a nié. Non. Il a dit maintenant, Si quelqu'un dit, d'accord, moi, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala à demain, mais je voudrais dire que je ne sais pas ce que ça veut dire demain. Au fond, je confie le sens de demain à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de musulmans qui sont comme ça. Il te dit, d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala dit yedeh, ça veut dire demain. D'accord, Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire les mains. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ufawwidu al-ma'na ila Allah. Je laisse Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait. moi je ne sais pas. Je dis, Allah Ta'ala, c'est lui qui sait ce que c'est les mains. Et certains, ma'asif, disent que, disent, c'est ça, al-sunnah al-jama'a. Ils disent, al-sunnah al-jama'a ne parle pas du sens des attributs. Ils disent, ils confient ça à Allah. C'est Allah qui connaît qu'est-ce que ça veut dire les attributs. Nous, on leur dit, ta'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, c'est une secte. Ça s'appelle Mufawwida. Ça s'appelle Mufawwida. C'est, ils confient à Allah. Ils disent, nous, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est Allah Ta'ala qui sait. Nous, on dit non. Nous, on sait qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi une main. Mais on ne connaît pas la façon, on ne connaît pas la forme, on ne connaît pas comment qu'aider. Voilà la différence. Un sunnah al-jama'a disent, il a une main. Il a une vraie main, une vraie. Mais comment qu'est-elle, je ne sais pas. Quelle est sa forme, je ne sais pas. Quelle est la façon, je ne sais pas. Un sunnah al-jama'a disent, Allah subhanahu wa ta'ala rit, il rit. Non, un vrai rire. Et comment il serait, je ne sais pas. Allah subhanahu wa ta'ala descend. Naam, il descend, c'est une vraie descente. Du au-dessus du 7e ciel jusqu'au 1er ciel. Mais comment ils descendent, je ne sais pas. Voilà, al-sunnah al-jama'a. Les autres disent, je dis descend, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire descend. Il a deux mains, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire les mains, je ne sais pas. Il rit, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire il rit. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait. On dit, nous, qu'est-ce qu'on dit, al-sunnah al-jama'a? On dit non. Sunnah al-Jama'a reconnaissent, attestent et maintiennent le sens. Ils disent, c'est ça son sens. Son sens, c'est comme elle est, c'est comme il est le verset. Il a dit, il rit, il rit. Il a dit, il descend, il descend. Il a dit, il s'étend, il s'étend. Il a dit, yardab, yardab. Tout ce qu'il a dit, l'Allah subhanahu wa ta'ala, est vrai, est vrai. Son sens est connu, son sens est connu. Mais, voilà la différence. La forme, on ne la connaît pas, la forme. Kif, comment? Comment, la façon, voilà ce qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas le sens on le connaît. La main, je sais qu'est-ce que c'est une main. Une main, ce n'est pas une montre, ce n'est pas une armoire, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un ordinateur. Une main, je sais ce que c'est la main. Mais comment est-elle cette main? Avec 4 doigts, 6 doigts, 8 doigts, 2 doigts, des ongles, ça je ne sais pas. La forme, je ne la connais pas. Mais la main existe. Donc, il ne faut pas qu'on vous trompe. Il y a une secte qui s'appelle Mufawwida et qui se dit que Al-Sunnah al-Jama'a, c'est Mufawwidin. Pour lequel il faut que tu sois des Mufawwida. Tu confies à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, je confie à Allah ta'ala, mais je ne confie pas le sens. Le sens, je le connais. Je confie la manière, la façon, la forme. Hadou, je ne les connais pas. Mais le sens, il est connu pour moi. Connu, très connu. Naam. Et c'est pour ça que, Cheikh Ibn Laysak Amitri Ostam al-Batir. Non. C'est pour ça que, il y a une phrase que disent beaucoup de gens, elle se lit jusqu'à de nos jours, et Cheikh Islam a dit, ne dit cette phrase qu'un rabbi, un idiot. Seul un idiot dit cette phrase. Pourtant, beaucoup de l'argent, beaucoup de gens la disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Tariqatul Salaf, Aslam. Wa Tariqatul Khalaf, A'lam wa Ahim. Masha Allah. Tariqatul Salaf, si tu suis, yani, la façon de parler dans les attributs, tu suis, on faisait les Salaf, c'est Aslam. Yani, c'est mieux pour toi, yani, tu es épargné, yani, des fautes, etc. Mais si tu suis la façon des khalifs, ceux qui sont venus après les salafs, c'est-à-dire ceux qui disent soit il n'a pas de main, soit je ne sais pas ce que ça veut dire, etc. Ils disent, ça c'est a'lam, c'est plus savant, ou ahkam, c'est plus de sagesse. Naam, tu as plus de sagesse et plus de haine. Masha'Allah, Cheikh l'Islam a dit, il n'y a qu'un idiot qui dit cela. Naam, seul un idiot dit cela. Pourquoi? Parce que quand tu dis que tariqat salaf, tu dis que le chemin des salafs, lui dit aslam. Ça veut dire, il épargne des problèmes, alhamdoulilah, c'est aslam. Cheikh Islam a dit, comment quelqu'un peut être épargné, par exemple, du mal, sans qu'il n'ait ni la science, ni la sagesse. Parce qu'eux, ils disent, c'est le khalaf, c'est ceux qui sont venus après les salaf, qui ont beaucoup plus de sagesse et de ilm. Quel ilm ont les khalaf? Quel ilm? Les sahaba radiallahu ta'ala anhum vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam du matin au soir. Du matin au soir. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhum, tellement qu'il était cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait 10 jours sans manger. Hein, il prenait des cailloux et il attachait des cailloux et il prenait quelque chose comme ça et il attachait son ventre. Naam. Pour ça, le creux qu'il a dans le ventre, il le remplit avec un caillou par dehors, bien sûr, il l'attache. Tellement il est cool, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a même pas le temps d'aller manger. Il n'a même pas le temps d'aller manger. C'est pour ça que dans le hadith sahih, qu'une fois, il a dit quelque chose, Aïcha radiallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Abu Huraira, il dit des choses que j'ai jamais entendues, hein. Il dit des choses que j'ai jamais entendues. Alors, il lui a répondu, Abu Huraira radiallahu ta'ala lui a répondu, ma mère, yani Umm al-Mu'minin, l'appelle ma mère, il lui a dit, Lam tushghilni al-mir'at wal-mukhala. Il a dit, moi, je n'étais pas, yani, je ne m'a pas occupé le miroir et la chose avec laquelle on fait le noir dans les yeux. C'est-à-dire, toi, homme mu'minin, ma mère, yani, mais toi, tu es une femme, tu passes un bon moment en face du miroir en train de faire le noir dans tes yeux. Mais moi, du matin au soir, je suis avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Toi, tu es avec lui quand il rentre à la maison. Mais moi, depuis qu'il met son pied pour salat al-sobh le matin, je suis avec lui jusqu'au Isha. Donc, c'est pour ça que si je dis des choses, il ne faut pas m'en vouloir. Et j'apprends. Du matin au soir, je suis collé avec lui. Donc, Abu Huraira et les sahaba qui étaient du matin au soir avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voilà qu'il y a des gens qui connaissent mieux que A'lam wa ahkam, le khalif. C'est-à-dire, moi, toi, on connaît mieux que les sahaba. Khalif, nahnu al-khalif, masha'Allah, on connaît les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms et le din mieux que les sahaba radiallahu ta'ala et leurs fils, leurs enfants, les tabi'in. Et Cheikh l'Islam a dit, ne dit cela qu'un idiot. Sauf l'idiot dit cela, le pauvre Ada qui ne sait pas qu'est-ce qui sort de sa tête. Il ne sait pas ce qui sort de sa tête, il dit n'importe quoi. Cheikh Ibn Uthaymin, l'Aïfmo, a dit, et la vérité, c'est de dire, Tariqatu Salaf, la voie du Salaf, Aslam, wa A'lam, wa Ahkam, les trois. Tariqatu Salaf, Aslam, quand tu la suis, Alhamdulillah. Si tu t'es trompé, ça veut dire que les Sahaba se sont trompés. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est impossible. Toi, tu dis seulement ce qu'ont dit les Sahaba qui ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. Tu ne peux pas te tromper, Billah Azza wa Jal. C'est Aslam. C'est Aslam. Tandis que les autres ont suivi des choses, ont dit des choses que les Sahaba n'ont pas dit, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Quand vous cherchez, par exemple, le Aïna Allah, Aïna Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, fils Sama. Fawq Sama. Dans le Coran, Rahman al-Arsh Tawa, et les versets qu'il y a sur, qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du ciel. Des dizaines, des quinzaines, des vingtaines. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple, Tenzilun min hakim min hamid, Tenzil. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui descend, il part du Coran, on l'a fait descendre. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. On l'a fait descendre. Qu'est-ce que ça veut dire on l'a fait descendre? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est tout de suite des cieux, il l'a fait descendre. Il a fait descendre le Coran d'en haut, qui prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tout de suite des cieux. Subhanalladhi asra bi'abdih. Asra bi'abdih. Subhanalladhi qui a fait l'ascension. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une ascension. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté au-dessus des cieux? S'il n'y avait pas Allah au-dessus des cieux, pourquoi il ne serait pas parti à droite ou à gauche? Pourquoi qu'il est monté au-dessus des cieux? Amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ard. N'avez-vous pas peur de celui qui est au-dessus des cieux qu'il fasse l'ard, la terre, qu'il lui donne un tremblement de terre ou quelque chose comme ça, il a dit celui qui est au-dessus des cieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait des problèmes, il levait son visage vers les cieux. Regardez en haut, il voulait que Allah subhanahu wa ta'ala change la qibla. Allah ta'ala lui a dit, لَقَدْ نَارَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ On a vu, et on voit comment tu retournes ton visage vers le ciel. On te voit, et on va te donner une nouvelle qibla. Regardez vers le ciel. Et il dizaine de ayats, et de hadith qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Et tous les sahaba, et tous les ulama, les grands ulama des salafs ont dit cela. Vous pouvez lire un livre qui s'appelle l'ulou, l'Dhahabi. L'imam Dhahabi, Allahumma, a écrit un livre, l'ulou, spécialement pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Ensuite, y'a-t-il afrakh, al-mu'tazila, ou al-ash'ira, ou rien. Ils disent, non, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au-dessus des cieux. Si tu dis qu'il est au-dessus des cieux, tu l'as mis dans un endroit. Donc, il n'est pas au-dessus des cieux. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas deux mains. Si tu dis qu'il a deux mains, ça veut dire qu'il est comme nous. Nous, on a deux mains. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas deux yeux. S'il a deux yeux, khlas. Donc, il a les cils, les sourcils, il a... Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas deux pieds. Si tu dis qu'il a deux pieds, ça veut dire que, donc, il marche comme nous. C'est-à-dire, on va lui faut des souliers, c'est-à-dire, il a des orteils, il commence à ajouter des choses, comme ça. Si tu dis Allah subhanahu wa ta'ala rit, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a une bouche, a une langue, a des dents. Si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, se course, il se met en colère, ça veut dire que il a un cœur qui bat d'abord fort, ensuite le sang commence à, ensuite il devient en colère. Et comme ça. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-adhim. Et comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont égarés. Salam alaykoum wa rahmatullah. Abou Anas, fils saut. Naam, jazakumullah khairan. Je suis déconnecté, je suis rentré bidna subhanahu wa ta'ala. Donc, conclusion, inshallah ta'ala, j'ai terminé le dars. Il reste bien sûr beaucoup à dire. J'ai pas encore parlé de minraïli tekif. Et pour vous dire seulement, chaque chose, inshallah ta'ala, ça va venir avec beaucoup de détails. Ça va venir les prochains doros, les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, les pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala, les yeux, tout cela dans des doros. On les a déjà fait, mais on les refait, on doit les refaire. Ensuite, on va rentrer bien sûr dans l'autre chose, c'est-à-dire dans l'au-delà. On va parler du paradis avec les détails, du sirat, on va parler du jahannam, on va parler du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va parler de son intercession, on va parler, yani, incha'Allah ta'ala, de beaucoup, beaucoup de choses qui nous attendent pour avoir quoi? Une aqida de aqidat al-sunna al-jama'a. Quand tu as une vraie aqida, le jour de la résurrection, tu as, inshallah ta'ala, le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va rentrer, qu'il va te rentrer au paradis. Sans te faire rentrer en enfer. Parce qu'on ne demande pas seulement à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rentrer au paradis, mais on demande aussi qu'il nous éloigne de l'enfer. Car c'est lui qui a dit, il a dit, quiconque, ya Allah, tu fais rentrer en enfer, tu l'as avili. Donc nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous faire rentrer en enfer. On demande qu'il nous en préserve. Car quiconque rentre en enfer, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Alors nous, on a l'avantage de quoi? On a l'avantage de, alhamdulillah, da fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu as le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui connaît Allah mieux que quiconque fil alamin. Ensuite, tu as ses compagnons qui connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam mieux que quiconque fil alamin. Donc, si tu suis, tu prends ta aqida des sahaba directement. Tu prends ta aqida des sahaba qui eux l'ont prise du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même l'a prise du Coran. Tu as, alhamdoulilah, une chaîne devant toi en or. Une chaîne, c'est la dhahabiyya. Inch'Allah ta'ala, tu t'es préservé. Tu t'es préservé, bi'inna azzawajal. Mais les sectes, les autres, elles ont prise de qui? Des yahouds, comme par exemple le Jahmiya et les autres. Le Jahmiya, Jahm ibn Safwan, il a pris de qui? De l'Ja'd ibn Dirham. Et l'Ja'd ibn Dirham, il a pris de la sœur de l'Abid ibn al-A'sam, le juif. Qui a fait du poison au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Il a appris à le fils de sa sœur, le fils de sa sœur a appris à Al-Ja'd ibn Dirham, Al-Ja'd ibn Dirham a appris à Al-Jahm ibn Safwan, Al-Jahm ibn Safwan a donné sa aqida au Jahmit. Al-Iyadu Billah. Donc, nous, alhamdulillah, nous avons والأخذ عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين لأنه يستحيل أن يجمع الله سبحانه وتعالى أن يجمعهم على ضلالة يستحيل et ne pas oublier pour raffermer votre cœur ne pas oublier le hadith صحيح que الشيخ الألباني a dit صحيح حديث عبد الله بن مسعود كادي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ce hadith me plaît beaucoup أنا quand je le lis je trouve yani, quelque chose dans mon cœur. Qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud dans le hadith sahih? Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala est tala'a ala quloub al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala a regardé dans les cœurs des gens. Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, il sait ce qui se passe dans nos cœurs. Bien sûr. C'est lui qui a tous nos cœurs entre deux doigts, entre deux doigts de ses beaux doigts. Masha'Allah. Abdullah ibn Saoud a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a regardé dans les cœurs de tous les gens, il a trouvé que le meilleur cœur était le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il soit prophète. Il l'a choisi pour la prophétie. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a regardé dans tous les cœurs des gens, il a trouvé que les cœurs de ses compagnons étaient les meilleurs cœurs, les plus sains, les plus clairs. Il les a choisis pour compagnons. Naam, il les a choisis pour compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il avait le meilleur cœur, ensuite les compagnons parce qu'ils avaient les meilleurs cœurs. Et regardez les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, comment ils ont souffert pour que cet islam nous arrive. Ils ont souffert. C'est pour ça que les chiites, ils ont voulu frapper l'islam, comment qu'ils le frappent? Ils frappent le Coran, c'est pas possible. Eux, jusqu'à présent, ils disent que notre Coran est déformé. Et personne ne les écoute. Ah, tu joues avec le Coran, c'est pas possible. Tu me dis que le Coran est déformé. Eux, comme ça ils disent. Ils disent notre Coran est déformé. Le vrai Coran, c'est le Coran de Fatima, radiallahu ta'ala. Il est chez le Mahdi. Il est caché en Irak. Il est dans un garage, dans un sous-sol, dans la cave. Dans la ville qui s'appelle Samarra. Il est caché là-bas, il a le Coran, le vrai Coran. Notre Coran, c'est pas un vrai. Mais ça, personne ne les écoute. Il dit, ceux-là, ce sont des fous. Tu dis à quelqu'un qui a 5 ans avec la sucette dans la bouche, tu lui dis, il y a quelqu'un qui dit le Coran n'est pas vrai, il te dit, c'est un kafir celui-là, faut pas l'écouter. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont dit, c'est difficile de frapper l'islam en frappant le Coran. Qu'est-ce qu'on va faire? On va frapper les Sahaba. Naam, les Sahaba, c'est une chaîne d'union entre le prophète et entre nous. Aïe, on va éloigner les Sahaba, comme ça ils n'auront plus d'islam. Alors ils ont dit, les Sahaba sont tous des kuffars. Les Sahaba, ce sont tous des kuffars, sauf 12 ou 13. Naam, ils ont dit comme ça, quand tu dis tous les Sahaba sont kuffars, khlas, tu peux pas prendre d'un Sahabi, c'est un kafir. Ils ont dit comme ça, on va frapper l'islam. Imam Malik, il m'a beaucoup plu quand il s'est basé sur un verset. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des Sahaba, il a dit liyaghidha bihim al-kuffar. Liyaghidha bihim al-kuffar, il parlait des Sahaba, ils vantaient leur mérite. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit liyaghidha bihim al-kuffar. Imam Malik rahimahu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donc quiconque. Qu'est-ce que ça veut dire liyaghidha bihim al-kuffar? Ça veut dire pour qu'ils rendent les kuffars énervés, courroucés, pour qu'ils entendent les mérites des Sahaba, et ça, ils n'aiment pas les kuffars, ils deviennent courroucés. Imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit, Allah yirhamou? Ça m'a beaucoup plu ce qu'il a dit. Il a dit, donc quiconque n'aime pas les Sahaba, ou la se courrouce d'eux, yani, il est devenu un kafir. Non, il a dit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, yaghidha bihim al-kuffar. Il a dit, pour que les kuffars yani, soient courroucés, quand on vante les Sahaba, et ça. Il a dit, c'est la même chose. Donc quiconque n'aime pas les Sahaba et se courroux contre eux, il est un kafir. Wal'iyadu billah wa la hawla wa la quwata illa billah al-ali al-azim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla al-hadana Allah. Inch'Allah ta'ala, نلتقي بعد 10 دقائق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، نبدا ان شاء الله تعالى، في الاجوبه عن الاسئله. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. Donc on va commencer inchallah ta'ala pour va commencer avec les questions. Et avant cela, je dirais deux ou trois choses, inchallah, seulement que j'oublie pas. La première des choses, en ce qui concerne la sœur muslima qui m'aide pour traduire les doros de Aqida. Je sais que la sœur muslima est malade, je comprends yani qu'elle a des difficultés. C'est pour ça que inchallah ta'ala يعني هي معذورة، je lui donne inshallah yashfiha. نعم، je lui donne jusqu'à inshallah ta'ala à ce qu'elle accouche, jusqu'à inshallah ta'ala à ce qu'elle accouche, et ensuite jusqu'à ce que elle se purifie après les logis, et jusqu'à ce que inshallah ta'ala elle nous envoie la tommena inshallah ta'ala. Elle commencera, donc elle a yani un long temps devant elle, yani presque une année. Alhamdulillah. La deuxième des choses, je voulais dire que... il y a une sœur qui demande en ce qui concerne le rêve. En ce qui concerne le rêve, qu'elle avait rêvé que lors du mariage, le mari n'était pas là. Je suis désolé, mais spécialement pour répondre à cette question, j'ai parlé peut-être une demi-heure pour répondre à cette question la fois passée. J'ai dit tout ce qu'il fallait sur le rêve et j'ai tourné autour de cette question peut-être une demi-heure pour dire, bon, je vais pas me redire, je vais résumer en une phrase et tout, parce que je l'ai déjà répondu en une phrase et tout, que ce n'est pas quelque chose de grave. Seulement, elle doit dire Audoublamishtarajim et cracher 3 fois sur l'épaule gauche. Elle crache 3 fois sur l'épaule gauche et elle dit Audoublamishtarajim. Et elle ne raconte pas à la sœur. Et elle lui a pas raconté, elle lui raconte pas, voilà comment je t'ai vu et ce que j'ai vu. Ça, c'est la conclusion de Ibn Subhanahu wa Ta'ala. Sinon, j'ai parlé de ce rêve et d'autres, j'ai parlé avec beaucoup de détails. En ce qui concerne les questions qui m'arrivent beaucoup, les questions que j'ai beaucoup, que j'ai pas encore répondu à beaucoup, Inch'Allah Ta'ala, je crois, Inch'Allah Ta'ala, demain, je commencerai. Je commencerai, Inch'Allah Ta'ala, par, je répondrai aux questions. Peut-être que je ferai pas de dars, parce que demain, on n'a pas de dars. Peut-être que, Inch'Allah Ta'ala, je ferai comme ça 1h30 ou là, spécialement pour répondre, Msakina, ça ne fait rien. C'est-à-dire que, c'est dommage qu'elle n'était pas avec nous, parce que j'ai parlé avec beaucoup de détails. Mais qu'elle sache que ce n'est pas grave. Seulement, elle doit cracher et dire au double Mishtan Rajim. Je voulais dire, Inch'Allah, peut-être demain, s'il n'y a pas un autre dars, je ferai venir toutes les questions que j'ai dans le courrier pour y répondre comme ça, verbalement, en parlant. C'est plus vite, ça ne me prend pas beaucoup de temps quand je parle comme ça et je peux expliquer beaucoup mieux. J'explique beaucoup mieux que quand j'écris à quelqu'un. Autre question, autre chose, Naam. Je voudrais donner un conseil spécialement à mes sœurs. J'ai beaucoup donné de conseils à mes frères. Aujourd'hui, je donne spécialement un conseil à mes sœurs qui ne sont pas encore mariées et qui voudraient se marier. Je voudrais leur dire de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir peur de lui et de se rappeler qu'il y a un jour où elles vont se trouver debout entre ses mains. Je leur dis de craindre Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne lorsqu'elles veulent faire le choix de l'époux, de prendre le mariage comme quelque chose de sérieux. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا. Il a appelé pacte غَلِيظ, مِثَاقًا غَلِيظًا. Il y a certaines sœurs, مَعَ الْأَسَفْ, yani, qui croient que le mariage, là, comme j'avais dit des frères qui croyaient que le mariage, c'est juste pour les tentations, c'est juste pour question de sentiments et de passion. Il y a maintenant des sœurs, on me l'a dit, il y a des sœurs qui, elles peuvent changer tout à la dernière minute. Tout est préparé, tout est calculé, dans la semaine depuis 5 ans, maintenant il ne reste plus que fixer la date ou là, classe, peut-être, pour aucune raison, elle veut changer d'avis. Et elle s'en fout de tout ce que l'homme a préparé, ou là, ce qu'il a perdu, ou là, l'argent qui est parti, là, elle s'en fout. Pourquoi? Ça lui a chanté comme ça dans la tête, ou là, elle a vu quelqu'un de, je ne sais pas, peut-être plus beau, peut-être dans une voiture, ou là, elle veut changer à la dernière minute. À celle-là, on dit, Taqillah subhanahu wa ta'ala, et dites-toi toujours, ça aussi c'est aux frères aussi, pas aux sœurs, dites-vous toujours que dans le mariage, vous ne pouvez pas vous marier ici, si Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas marié en haut. Dites-vous que, si vous vous mariez avec l'idée et l'intention de faire plaire l'intention, yani du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un mariage béni. Que Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre sa baraka et sa bénédiction, et que vous serez des plus heureux. Ce n'est pas, yani le bonheur, c'est seulement qu'il soit beau, ou là, qu'il ait de l'argent, ou là, c'est pas cela. Je sais même que, comme on m'a dit, je sais même qu'il y a certains gens qui veulent faire la hijra, par exemple, mais qui croient que, pour faire la hijra, elle va se marier avec quelqu'un dans la hijra, elle va se marier avec quelqu'un qui a des palais. Elle va faire la hijra en Arabie Saoudite avec quelqu'un qui a des palais. Il a la dernière voiture, il a les esclaves, il a je ne sais pas quoi. C'est pas ça la hijra. Il se peut que une femme tombe avec un homme pareil, mais c'est pas ça la hijra. La hijra, quand on l'a fait fissabillah. On l'a fait fissabillah, même si on va manger du pain et du lait. Mais on l'a fait fissabillah. C'est pour ça qu'il faut pas vivre, il faut toujours laisser les pieds sur le sol. Sur le sol, et être très modeste. Si tu veux réussir dans ta vie, marche avec la modestie. Maintenant, si Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre ses portes, il te donne ou là, ça ne fait rien. Mais toi, marche toujours avec la base, c'est quoi? C'est la modestie. Maintenant, c'est très difficile en Europe de se marier. Surtout, je vois que les frères ont beaucoup de difficultés à se marier. Beaucoup de difficultés. Beaucoup, beaucoup de difficultés. Où est la fille Hadi? Où vais-je la trouver? Est-ce qu'elle a les conditions? Est-ce qu'elle remplit les conditions? Et bien sûr, c'est la même chose pour la horte. Où est celui-là, etc. Donc maintenant, quand l'occasion vient, il ne faut pas, Inch'Allah Ta'ala, la laisser partir. Il ne faut pas dire pourquoi celui-là, il a les cheveux noirs au lieu de blancs, pourquoi il fait 1m74 au lieu de 78, pourquoi je ne sais pas quoi, des choses qui n'ont rien à voir avec le dîn. Des choses qui n'ont rien à voir. Marie-toi à cause du dîn, à cause de quelqu'un, mashallah, dans le dîn, et tu verras que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il t'ouvrira. Tu verras que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il t'ouvrira. Je vous donne seulement un exemple très simple. Parce que c'est venu en parlant. C'est venu comme ça, c'était pas préparé, c'est venu en parlant. Moi, quand je me suis marié, j'ai envoyé seulement ma mère, j'ai envoyé avec une voisine. Je lui ai dit, tu vas à la mosquée, tu demandes quelle est parmi les filles qu'il y a ici à la mosquée, quelle est celle qui fait les doros. Celle qui fait les doros, ça veut dire celle qui a un niveau. Donc elle a un niveau assez, puisqu'elle peut faire les doros. Celle-là, tu me l'as choisie, c'est tout. Je l'ai prise, je l'ai posée devant une mosquée, elle est rentrée, elle a trouvé un groupe de filles. Est-ce que il y a une de vous qui fait les doros? Lui, on dit, il n'y a pas, mais normalement, on attend une sœur qui nous fait les doros. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Ma mère leur a dit, donc Inch'Allah, je reviendrai la prochaine fois. En sortant, avant de sortir, on lui a dit, attendez, voilà, elle est venue justement, elle est arrivée avec sa cousine. Ma mère lui a demandé, voilà, je cherche quelqu'un pour mon fils. Ma femme s'est tue, sa cousine lui a parlé, lui a dit, d'accord, je vais te donner l'adresse. On nous a donné l'adresse. Une semaine après, je suis parti, je l'ai vu, une seule fois dans ma vie. Deux mois après, on s'est mariés. Ça fait 25 ans qu'on est mariés. On a, machallah, 7 enfants. On n'a aucun problème. On n'a aucun... C'est pas compliqué quand on fait quelque chose pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je l'ai choisi parce que j'ai cherché quelqu'une, une femme de din, une femme qui fait les doros, une femme qui, mashallah. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé. Maintenant, toi, tu veux rendre les choses difficiles, Allah subhanahu wa ta'ala va te rendre les choses difficiles. Comme il a fait avec les juifs. Il leur a dit, égorger une vache, ils ont commencé à faire des problèmes. Est-ce que cette vache doit être jeune ou la âgée? Ensuite, quelle est la couleur des vaches? Toutes les vaches se ressemblent. Ensuite, ils ont commencé à faire des problèmes et ils n'ont pas pu yani, l'égorger qu'en l'achetant avec des millions. Ils l'ont acheté avec de grosses sommes d'or. Alors que s'ils avaient égorgé n'importe quelle vache, ça aurait, alhamdoulilah, ça aurait marché. Donc, inshallah ta'ala, barakallahu fikoum, vous êtes les garçons, les frères sont mes fils et mes frères. Et les filles sont mes filles et mes sœurs. Mes filles et mes sœurs, je vous aime tous et toutes en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand vous êtes heureux et heureuses, je suis heureux avec vous. Et quand je sens que vous n'êtes pas heureux, je suis malheureux avec vous. Faites la chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous verrez comment Allah subhanahu wa ta'ala vous ouvrira ses portes et comment vous serez, bi'idhnillah, des plus heureux. Comment vous serez, ne vous basez pas sur la matière, seulement la matière. Il faut qu'il soit riche, il faut qu'il ait la voiture, il faut qu'il soit comme... Donc peut-être, tu vas être la plus malheureuse avec celui-là, peut-être. Mais avec quelqu'un de simple, peut-être tu seras l'une des meilleures. C'est pas seulement la voiture et le je sais pas comment qui fait rentrer par moi. C'est pas seulement ça le bonheur. Le bonheur, c'est surtout quelqu'un qui te comprend et yani, qui t'assouvit tes souhaits, qui t'exauce tes vœux. C'est quelqu'un qui est gentil avec toi, quelqu'un qui a du din, quelqu'un qui mashallah, tu te sens yani, tu te sens tu vis. C'est pas quelqu'un qui a seulement de l'argent et je le vois pas du matin au soir. Il sort le matin, il revient à minuit. Qu'est-ce que je fais moi avec celui-là? Je ne le vois pas. Avec qui je vais moi? Qu'est-ce qu'il peut me faire avec son argent celui-là? Je n'ai pas besoin de celui-là. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est avec moi. Avec moi, on se voit, on parle, on éduque les enfants, on se... La hawla wa la quwwata illa billah. Tfaddal, inshallah, première question. Tfaddal. Sinon, je ne vais pas m'arrêter de parler. Tfaddal, première question. Tfaddal, inshallah, première question. Abou Bilal, tfaddal, qu'est-ce qu'il y a? Où est la première question, barakallahu fik? Salam alaykoum wa rahmatullah. La dernière fois, vous avez dit que Rahman était un attribut d'essence et d'entité. Pouvez-vous donner le dalil qui prouve que tout cela pour l'attribut d'entité, barakallahu fik? Naam. Ibn al-Qayyim ala rahmatullah, c'est lui qui a cité cela, et même Cheikh Ibn Uthaymin la yahmo aussi, ils ont dit que, quand tu dis Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala dit, bin mu'minina Rahim, il a dit, quand il a dit Rahim, yani bil-arbiya, on dit yata'adda, yata'adda, bin mu'minina, il est Rahim. Mais Rahman, on ne peut pas dire il est Rahman, bikada. Il a dit, pourquoi? Il a dit parce que, c'est quelque chose qui est en son essence. C'est quelque chose qui est en son essence. C'est pour ça qu'il a dit aussi que on ne peut pas appeler quelqu'un Rahman. Mais on peut appeler quelqu'un Rahim. On dit X est Rahim. Moi je suis Rahim. Mon père est Rahim. Mon voisin est Rahim. Mais on ne peut pas dire X est Rahman. Là, mon voisin est Rahman. Naam. Voilà le délire qu'a donné, Cheikh Ibn al-Qayyim. Et vous savez la règle générale, quand on est, pour savoir si un attribut est celui de l'essence ou bien de l'acte, on voit, est-ce qu'il se détache de lui ou là, il ne se détache pas. Rahman ne se détache pas de Allah subhanahu wa ta'ala. Il est toujours Rahman. Toujours. Mais, donc Rahman n'est pas un attribut. Non, l'entité et l'essence, c'est la même chose, Umsakina. je dis un attribut d'entité, ça veut dire un attribut d'essence. C'est la même chose. On dit un attribut d'essence et d'entité, that. Des fois on l'appelle entité, des fois on l'appelle essence. Mais, ce n'est pas un attribut de l'acte. Parce que rahim, ça dépend de la volonté. Yu'adibu man yasha wa yarhamu man yasha. Il est rahim avec qui il veut et quand il veut. Il n'est pas rahim quand il ne veut pas. Mais il est tout le temps rahman. Il est tout le temps rahman. Parce que rahman, c'est un attribut de l'essence qui ne se détache jamais de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadlan inshallah, deuxième su'al. Deuxième question. Abou Anous, je n'ai pas de questions en rapport avec le cours. Inch'Allah ta'ala, les autres ont des questions avec le cours. Donc toi, inch'Allah ta'ala, on te saute. Toi, tu vas au lit, inch'Allah. Tu restes un peu dans le lit. Inch'Allah, on va te rappeler après. Fadla, inch'Allah, Oum Abdallah. Une sœur dit, est-il vrai que ce ne sont pas tous les musulmans qui verront Allah au paradis? Si c'est vrai, quelle est la preuve? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Tous les musulmans verront Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Tous les musulmans, sans exception, verront Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Mais ils ne le verront pas tous, yani, comme si je puis dire, autant de fois que yani, ce n'est pas tous la même chose. Il y en a par exemple qui le verront par exemple une fois par jour. Il y en a qui le verront par exemple une fois par mois. Il y en a qui le verront par exemple de près. Il y en a qui seront un peu loin. Et comme ça. Naam, c'est d'après la piété et d'après les actions qu'il y avait ici. C'est comme un peu le président de la République, Walillah al-Mathal al-A'la, c'est pas quiconque va rentrer chez lui, hein, c'est pas tout le temps. Naam, il a des gens rapprochés, c'est la même chose. Les prophètes sont eux qui verront beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala et seront beaucoup plus près de lui que les autres, ensuite les sahaba, ensuite, et comme ça. Mais tous les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala. Le délil, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en parlant des kuffars, il a dit, kalla, innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun. Il a dit, oh que non, les kuffars ne me verront pas. Il y aura un hijab, il y aura un voile entre moi et eux. Ça veut dire, mafhum al-mukhalafa, ça veut dire, les croyants me verront. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lilladina ahsanu al-husna. Alladina ahsanu, ce sont ceux qui ont dit, La ilaha illallah. Ils sont musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont? Le husna, le paradis. Wa ziyada. Ziyada, c'est, ils voient Allah subhanahu wa ta'ala. Lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. Donc, tous les croyants, inshallah, verront Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme j'ai dit, yani, ce n'est pas, yani, le même nombre de visions et ce n'est pas la même, yani, très loin, etc. Fadlan, inshallah, prochain sou'at. Un frère dit salam alaikum, cheikh, n'êtes-vous pas rentré dans le kifaya en disant qu'Allah ne touche pas son trône, car c'est quoi ce passe pour dire ça, barakallahu fik. Naam, tous les ulamas des salaf ont dit cela. A commencer par cheikh l'islam, dans Majmou al-Fatawa, jusqu'à cheikh ibn Uthaymin, l'ayahmou, jusqu'à Salah al-Sheikh et les autres. Tous ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus, min ghayri mumasat. Il est au-dessus du trône sans qu'il touche. Si tu dis, il est aussi du trône, et qu'il touche, tu rentres dans quelque chose de grave. Laquelle? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin du trône. Naam. S'il le touche, ça veut dire qu'il a besoin de lui. Si on lui enlève, il y a des problèmes. Il faut qu'il le touche. Comme moi, je touche la chaise quand je m'assois. Allah subhanahu wa ta'ala est tout au-dessus. Ala, ala alayhi. Wa, laysa baynahu wa bayna l'arsh mumasat. Ça, c'est Cheikh l'Islam qui l'a dit. Dans Majmou' al-Fatawa, et Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, qui l'a dit aussi, et beaucoup d'autres, ils ont dit, il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de moumasset, et tu peux le dire, c'est les salafs qui l'ont dit, Inch'Allah ta'ala. Tfadal, Inch'Allah, prochain soir. Tayyib. Sakina n'a plus de questions par rapport au cours. Oum Abdullah, t'as fait l'aller. Allah Azza wa Jal a choisi le Rasoul alayhi sallallahu alayhi wa sallam car il avait le meilleur cœur, puis les sahabas radiallahu anhum pour le cœur. Est-ce que nous, à un autre niveau, il nous a choisi pour la pureté du cœur ou pas? Est-ce que nous, à notre niveau, il nous a choisi pour la pureté du cœur ou pas? Naam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. Et il a dit, عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةَ. Donc, le cœur joue un grand rôle. Le cœur joue un grand rôle. Et c'est d'après ce qu'on a dans le cœur que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous ouvre ses portes et sa rahma, il descend sa bénédiction. Et le contraire est vrai, plus nos cœurs sont penchés vers les péchés, vers la souillure, vers ceci, plus Allah subhanahu wa ta'ala s'éloigne de nous et éloigne de nous aussi la bénédiction ou le baraka et ces choses-là. Naam, le cœur, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il sait que dans ton cœur, tu veux cette chose, tu veux cet islam, tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu veux l'imiter, tu veux ceci, il t'ouvre les portes. Comme il a dit dans le hadith sahih, hadith Qudsi, il a dit, yani, tu te rapproches d'un enfant, il se rapproche de toi d'une coudée. Tu te rapproches, tu vas vers lui en marchant, il vient vers toi en courant. Et comme ça, quand il y a quelque chose de ta part. C'est pour ça que quand quelqu'un aime cette chose, aime l'islam, voudrait faire des choses, l'Ostranger lui ouvre son cœur, lui ouvre sa poitrine, et il la rend grande, il la rend large, les mashallah. Et plus quelqu'un s'éloigne, plus il commence à sentir sa poitrine se fermer. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, كأن من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره حرجا كأنما يصعد في السماء. سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى quand il a fait descendre ce verset, ça fait 15 siècles, c'est vraiment une معجزة. Il parlait, الله سبحانه وتعالى a dit, quand Allah veut guider quelqu'un, il a dit, je lui ouvre sa poitrine. Il a dit, quand je veux égarer quelqu'un, qu'est-ce que je dis? Il a dit, je lui serre sa poitrine. Il a dit, comme quelqu'un qui monte vers le ciel. Subhanallah al-Azim. Comme quelqu'un qui monte vers le ciel. Il dit, Sa'ad fi sama. Et il a été prouvé que plus on monte vers le ciel, voilà la mu'jiza. Plus on monte vers le ciel, plus il n'y a pas d'oxygène. Plus on veut étouffer. Pour ça, on a besoin de masques et d'oxygène. Naam. Voilà. Un verset, ça fait 1500 ans, qui a prouvé que, yani, c'est une mu'jiza, ou la hawla ou la quwwata illa billah al-ali al-azim. Donc j'ai dit, en conclusion, le cœur a un grand rôle. Le cœur a un grand rôle. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah inna fil jasadi mudra. Il y a dans le cœur une chair, un morceau de chair. Ce morceau de chair, c'est lui l'essentiel. S'il est, masha'Allah, il est pointé, sa qibla, il est vers la qibla, et pointé vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, et vers le dîn, etc., Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre. Si c'est le contraire, la hawla wa la quwwata illa billah, jusqu'à ce que la personne se sente égarée. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, quand je veux égarer quelqu'un, je lui serre sa poitrine. Je la lui serre. Jusqu'à ce qu'il sente comme l'étouffement. Naam. Pourquoi les gens se suicident? Quand ils sentent que sa poitrine veut, yani, place. Elle s'est serrée contre lui. Ils sont son cœur gros. Ils sont des montagnes de chagrin sur son cœur. Il finit par se suicider alors qu'il était un milliardaire. Naam. Et le musulman qui mange du pain et du lait ne se suicide pas. Et tu lui demandes comment va-t-il, dire « Masha'Allah, alhamdulillah, masha'Allah, rani fi ni'ma » avec du pain et du lait. Et l'autre qui est un milliardaire, qui a, c'est pas la voiture, il a l'hélicoptère, il se suicide. Pourquoi? C'est une question de cœur. Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre ton cœur, t'ouvre ta poitrine, tu sens un paradis dans ton cœur. quand Allah subhanahu wa ta'ala veut égarer quelqu'un, il veut l'égarer, c'est pas parce que Allah ta'ala est injuste. C'est parce que cette personne fait beaucoup de péchés, etc. et d'innovations. Maintenant, quand il veut l'égarer, il lui serre sa poitrine, il la serre jusqu'au point où il veut étouffer, et peut-être que même, astaghfirullah, il va se suicider. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah al-afiyah. اللهم اهدينا يا رب العالمين وشرح لنا صدورنا للإسلام تفضل إن شاء الله بروشان سؤال السلام عليكم يا شيخ une fois vous avez parlé vite c'est d'un hadith qui parle de جالس على العرش qu'en est-il que Allah vous préserve جالس non je ne dis pas جالس على العرش il y a un hadith en ce sens il est plus ou moins vrai il est plus ou moins vrai le hadith Il se trouve dans Ma'arij al-Qubul. Et les ulama, certains ont dit il est vrai, mais Salaf n'ont pas dit cette chose. Ils ont dit, on dit Stawa. On ne dit pas il est assis. On dit Allah subhanahu wa ta'ala, Istawa ala l'arsh. Nous on ne dit pas il est assis sur le trône. On dit toujours Istawa. Wa ala ala l'arsh. Et Cheikh Ibn Uthaymeen il a ajouté Staqar. Car Cheikh l'Islam a dit Staqar. Et certains ont dit, on ne dit pas staqar. Alors que Cheikh l'Islam l'a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen aussi l'a dit staqar. Mais, on dit de préférence, il est au-dessus du trône, il est établi sur son trône, on ne dit pas assis, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, parce que les salafs ne l'ont pas dit. Et il y a un hadith, plus ou moins les ulama ont divergé, sur ce hadith, où il y a le mot julus. تفضل إن شاء الله prochain سؤال. On commence Allah les questions qui sont hors sujet. On commence Allah pour qu'il nous reste un peu de temps Allah. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Je me demande si dans le paradis que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'offre, est-ce qu'on aura toujours le même souhait que l'on a aujourd'hui, du genre j'aimerais pouvoir voler. Comme un oiseau à une vitesse de 5000 km, ou même plus. Je sais que Allah Azzawajal a le pouvoir de résoudre tout souhait. Certes, ce n'est point difficile, Allah. Mais est-ce que j'aurai toujours les mêmes envies? Ou une fois que je verrai le paradis, Inch'Allah, ça me passera l'esprit. Et j'y penserai plus ce magnifique cadeau. Je comprends que ça peut être une question dérisoire, mais elle me tourne dans ma tête depuis tout petit. Si tu voles au paradis comme un oiseau 5000 km heure, j'ai peur que tu sors du paradis. Hein? Chauffe, tout ce que, Inch'Allah Ta'ala, te passe par la tête, tout ce qui te passe par la tête, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est faisable. Il est faisable parce que quand on sera au paradis, avant de rentrer au paradis, on doit passer par une fontaine. On va se laver dans cette fontaine et on rentre au paradis. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Donc quand Allah azza wa jalla va nous enlever avec cette eau, il va nous enlever l'envie qu'on a, le hasad, de la médisance, toutes ces choses qui sont pas bien, on va les oublier. C'est pour ça que au paradis, quand tu fais un souhait, il est toujours accepté par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est toujours bien. Tu as demandé quelque chose de normal. Tu ne penses pas, par exemple, au paradis, on ne pense pas, par exemple, comment, par exemple, tuer quelqu'un. Des choses comme ça, ça ne viendra pas à l'esprit. Mais toute autre chose, si tu as cette chose dans ton esprit, le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, pour te montrer qu'il est capable de tout faire, il te dira, voilà, je vais te rendre un oiseau, et tu vas voler, bi'idnillah, ou la monter sur un oiseau, là, mais de toute façon, tout ce que tu voudras, tu l'auras. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih, où il est dit que, la femme, ou l'homme, quand il souhaite au paradis un bébé, et pourtant, il n'y a ni lochi, il n'y a ni monstrueux, il n'y a ni sang, il n'y a ni rien. Et quand il souhaite un bébé, il l'aura à la minute même. il a dit, à la même minute où il souhaite, la femme tombe enceinte et accouche. À la même minute, elle accouche. Yani, tout va changer, tout va changer. Il y a même un hadith sahih, où c'est dans le sahih Jami' de Sheikh Al-Albani, où quelqu'un demandera à Allah subhanahu wa ta'ala, lui demandera de le laisser semer. Il veut semer, il sème, c'est un agriculteur. Il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux semer? Il lui dit, je veux semer. Et il lui apporte des grains, il lui dit, sème. Il a dit, le prophète, dès qu'il jette le grain, à peine le grain touche le sol du paradis, il devient comme une montagne. Il devient, la plante sort, le blé sort, il devient de la grandeur d'une montagne. Et il va commencer à semer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, Dounaka ibn Adam. La yushbi'u kashay. Oh, toi, être humain, il n'y a rien qui te rassasie. Matchbash, n'ta, matchbash. Toi, Ibn Adam, matchbash. Naam. Toi, tu es venu au paradis. Tout est devant toi. Tous les fruits, tous les souhaits sont à ta portée. Et celui-là, il veut quoi? Il veut semer. Il veut même se fatiguer. Il va semer, peut-être même il va se fatiguer. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, دونك ابن آدم لا يشبعك شيء توا يا ابن آدم توا جامي ما تشبع جامي ما تشبع دونك إن شاء الله تعالى توغا توس كتفودا أو باغادي بإذن الله سبحانه عز وجل الحمد لله يعني تفوية خان وازو إي نون با أن إليفون الحمد لله نعم بروشان سؤال تفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه أون بو إتر سيغ كو سون تفسير إيزيتي إكزاكت دواتون بخوندر سون تفسير que son tafsir, car c'est vraiment le seul à avoir ce don, et que si son avis est différent des autres avis, on doit pencher vers son avis. Naam, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu. D'abord, je voudrais faire une remarque très importante. C'est que, malheureusement, il y a un livre qui s'appelle Tafsir ibn Abbas. Ce livre, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Abdullah ibn Abbas qui l'a écrit. Et on l'a écrit spécialement pour le vendre et attirer les gens, etc., et le vendre. C'est pas Abdullah ibn Abbas qui l'a écrit. Yani, Sanad ila Abdullah ibn Abbas, yani, lam yasih. La même chose, pour le livre qui s'appelle Tafsir al-Ahlam li Ibn Sirin. Tafsir al-Ahlam li Ibn Sirin. Les ulama ont dit ce livre, ou ce n'est pas vrai. C'est pas Ibn Sirin. Allah yarhamou qui l'a écrit. Ce n'est pas lui. C'est des gens qui l'ont écrit, je ne sais pas qui. Pour le vendre, etc., pour le propager, ils l'ont écrit. Il est très très connu. Les gens, ils disent, je vais acheter Tafsir al-Ahlam li Ibn Sirin pour interpréter les rêves. Ce livre n'est pas vrai, comme le livre de Tafsir Abdullah ibn Abbas, n'est pas vrai. Maintenant, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, quand il explique un verset du Coran, quand il explique, et il l'a tout expliqué. Il l'a tout expliqué. Du début à sa fin. Il l'a même expliqué à Mujahid. À Mujahid deux fois. Al-Muhim. Quand il explique Abdullah ibn Abbas, et qu'il y a un autre qui le contredit, si cet autre qui le contredit, n'a pas un hadith avec lui, n'a pas par exemple un hadith qui dit non, tu as dit ceci, mais moi j'ai un hadith qui dit le contraire, et un hadith sahih, c'est avec Abdullah ibn Abbas, Inch'Allah ta'ala, qui est le vrai, le juste et la vérité. Pourquoi? Ça d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Vous trouvez ça dans un livre qui s'appelle Itar al-Haqq al-Khalq, qu'a écrit le grand savant Ibn al-Wazir. Il a mis ça comme règle. Il a dit Abdullah ibn Abbas, personne ne peut le dévancer dans le tafsir. Pourquoi? Parce qu'il a cette particularité que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à Allah de lui apprendre le tafsir. Donc, il est impossible que quelqu'un, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris le tafsir, je connais le tafsir mieux que lui. Sauf, bien sûr, s'il dit quelque chose de sa tête, s'il ajoute quelque chose de sa tête ou là, et je le contredis avec un hadith. J'ai un hadith sahih, où il dit le contraire, par exemple. C'est pour ça que, lorsqu'il a dit lui, Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il a dit, par exemple, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu Allah avec un œil au-dessus de sa tête. Un œil au-dessus de sa tête. Ça, par exemple, il n'y a pas un hadith qui a dit comme ça. Bien au contraire, le hadith a dit le contraire. A dit Nour, Al-Na'ara, dans un autre Nar. Il a dit Nour. Il a dit, il y avait une lumière, comment je pouvais le voir? Donc, Abdullah ibn Abbas a dit, il l'a vu avec l'œil de sa tête. Mais tant qu'il n'y a pas un hadith sahih qui confirme cela, je ne suis pas obligé de prendre. Surtout que ça, ce n'est pas un tafsir. Ce n'est pas un tafsir. Allah subhanahu wa ta'ala, je me souviens le prochain soir. Assalamu alaikum, jumaïn, hafidhakallah, ya shir. Un frère a une femme qui porte des pantalons, il dit qu'elle ne portera jamais le djilbab. Et elle ne veut pas que ce frère habille sa fille avec un djilbab ou une robe. Elle n'écoute pas quand il fait nasiha, livre, cassette, fréquentation de sœur. Que faire à savoir qu'elle n'est pas régulière dans toutes ses obligations, salat, hijab, insulte son, qui n'a pas dû, insulte son mari. Assalamu alaikum, pouvez-vous répondre en français et en derija? Min fadlikum. En français et en derija. J'ai pas compris comment en français en derija. Elle dit, j'ai pas compris. Est-ce que je réponds en français? Là, je réponds en arabe en derija. D'accord? J'attends d'abord que tu m'écrives comment je réponds. En français ou là en derija? Derija, c'est arabe. Sauf s'il y a derija en français, je la connais pas. Les deux, est-ce que c'est lui qui t'a dit cela? Est-ce que c'est lui qui t'a dit cela? Abdelrahim, est-ce que c'est lui qui a dit français et ensuite arabe? Ou c'est toi qui le dis? Naam. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Allah subhanahu wa ta'ala a créé à l'épouse un époux et à l'époux une épouse. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi? À cause du soukoun, ni t'es qu'on nous ilaya. Ça veut dire quand quelqu'un est dans la rue, travaille, travaille bien le soir, il trouve sa femme, masha'Allah, il trouve yani un refuge auprès d'elle. Il est content quand il la voit, elle est contente quand il rentre, il le voit, il discute, il s'assoit, il parle, il change des idées. Ça doit être une rahma l'un pour l'autre. C'est une rahma. Pire que cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Il a dit, elles sont un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles. Ça veut dire que quand tu es loin de ta femme, c'est comme si tu étais nu. Tu as besoin de ton vêtement. Et elle, la même chose. Donc on a besoin beaucoup l'un de l'autre. Maintenant, quand quelqu'un a une femme qui ne veut pas écouter, une femme qui insulte son mari, une femme qui ne fait pas toutes ses obligations, une femme qui ne veut pas obéir à son mari, quand il lui dit pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, elle dit en n'obéissant pas à son mari, en même temps elle n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà le pantalon en lui-même, il est interdit pour la femme, sauf si elle le met de façon à ce qu'il ne soit pas visible. Elle le met sur son djilbab, là on ne le voit pas, on ne sait pas qu'il y a un pantalon. Mais rester avec un pantalon comme ça, si ce n'est pas seulement avec son mari, dans la maison, ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que le pantalon, c'est un habit de l'homme. C'est comme moi je rentre à la maison, j'enlève mon pantalon, je vais mettre une jupe. Je vais rester avec la jupe, je vais tourner devant mes enfants et devant... C'est la même chose. La jupe, c'est le vêtement de la femme. Quand je la mets moi, je deviens maudit. Pourquoi? Je me suis fait ressembler à la femme. Le pantalon, c'est quelque chose de spécial pour l'homme. Il y a des pantalons de femmes. Il y a des pantalons spécialement femmes, qu'avaient autrefois nos vieilles mères, nos grand-mères, etc. Quand tu vois que c'est quelque chose de femme. Mais une femme qui va mettre le pantalon serré, le blue jean, je ne sais pas quoi, la mode que je ne connais pas, tout ça, c'est interdit pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fait ressembler à l'homme. Et elle devient maudite, ou l'ayadoubla. Et quelqu'un qui est maudit, c'est quelqu'un qui a été éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa rahma. Pourquoi je vais me faire maudire? À cause d'une tenue seulement. Si je ne l'avais pas mise, je serais dans la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais me faire maudire et éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause d'un pantalon, ou à cause de je ne sais pas quoi, d'une jupe, ou là je ne sais pas quoi. Moi je demande à cette femme de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir à son mari, car en obéissant à ton mari, tu as des ajr. Naam, quand tu fais la prière, tu as des ajr. Quand tu fais le jeûne, tu as des ajr. Quand tu obéis à ton mari, tu as le ajr aussi. Naam, quand tu obéis à ton mari, tu as le ajr. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Naam. À cause du hadith, la'ana Allah al-mutashabbihat min an-nisa bir-rijal. La'ana Allah al-mutashabbihat min an-nisa bir-rijal. Et quand elle met le pantalon, elle s'est fait ressembler à l'homme. Naam, elle s'est fait ressembler à l'homme. D'ailleurs, des fois quand tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un venir, tu ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Des fois, la femme vient avec un pantalon, un blue jean serré et les cheveux à la garçon et la cigarette dans la bouche. Qui c'est celui-là? C'est un homme ou c'est une femme? Moi, je peux pas savoir jusqu'à ce qu'il reste deux mètres pour que je te dise. C'est une femme ou c'est un homme? Moi, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, je ne sais pas. Peut-être c'est un homme, peut-être c'est une femme, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que elle s'est fait ressembler à l'homme. Mais la femme doit avoir, yani, doit rester naturelle. Des fois, quand tu regardes certaines personnes, tu sais pas, tu dis celui-là c'est un homme ou c'est une femme, je ne sais pas. Peut-être tu demandes au voisin, tu lui dis celui-là c'est un homme ou c'est une femme. La hawla wa la quwwata illa billah. Tellement l'homme se fait ressembler à la femme, tellement la femme se fait ressembler à l'homme. Alors qu'il faudrait qu'il y ait, que la visibilité, que la différence soit nette. Visible, de loin tu dois dire celui-là c'est un homme, celui-là c'est une femme. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Bismillahir rahmanir rahim, salatu wassalam ala rasul mursalin. Yani l'oukhti al-karima idha ki tsma'i fiya lazem diri fi balak billi al-mar'a az-zawja lamma tti' az-zawj taha bi'idhni Allah subhanahu wa ta'ala 'andaha ajr. Lamma tti'u bi'idhni Allah subhanahu wa ta'ala الله سبحانه وتعالى يكتب لها أجر. لماذا؟ لأن هو أمرها باش تطيع الزوج تاعها. ما تطيعو طبيعة الحال في الحلال، ما تطيعوش في الحرام، ما تطيعوش تقول لها نديرو حاجة تاع حرام. تطيعو لما يأمرها بحاجة تاع حلال وحاجة لي ماشي حرام. فالمرأة لما تطيع الزوج تاعها في الحلال بإذن الله سبحانه وتعالى عندها أجر. نعم عندها أجر. والمرأة ماذا بها تجتنب الصروال هذا. صروال تاع الرجال تجتنبه، ولا مرأة لبست صروال تغطيه، يعني تلبس حاجة فوقه ما يبانش، تلبسه مثلا على جلد برد ولا على جلد باش ما تعرش رجليها، ولا في بلاد فيها البرد، ولا ما تخليش يظهر من تحت. تلبس صروال عادي، ما تلبش صروال ثان تاع الموضة. خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول باللي يعني المرأة اللي تشبه بالرجال ملعونة، والرجل اللي يشبه بالمرأة ملعونة. نعم نعم، لما يعرف انه ما كاش نتيجة واصبحت عاصية ولا تريد ان تطيعه ويتحمل المشاكل، يعني يتحمل الطلاق يطلق. نعم، اذا عرف باللي هاد المرأة خلاص ما فيهاش نتيجة، ما تحبش تطيع، ما تحبش يعني تاخذ بالنصائح وحب يفارقها، صح راح يتحمل الطلاق، يتحمل واش راح يصير. هذا يعني يجوز له باذن الله عز وجل. وان كان الطلاق يعني هو اخر الحلول، طلاق هو اخر الحلول. حاول دائما الانسان كيفاش يصلح، كيفاش يجمع بينه وبين ولاده وبين اهله، حاول كيفاش يكثر من الدعاء، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يهديها ونشرح صدرها للاسلام، وأن يصيرها إن شاء الله تعالى من الطائعات، طائعات القانتات. تفضل إن شاء الله سؤال آخر. شيخ، vous parlez du trône d'Allah. Comment est-ce ce trône? Allah a-t-il une chose au-dessus de lui? Car dans l'aqida tahawiya, il est dit qu'aucune des six directions ne l'englobe, et le tafsir du Cheikh Ibn Baz de Constantine est-il bon? Comment est-il ce trône? Ce trône, personne ne l'a vu. Personne ne peut le décrire. C'est un trône azim, azim, sublime. Mais comment est-il? Personne ne peut le décrire. Naam, personne ne peut le décrire. Allah a-t-il une chose au-dessus de lui? Ma'adallah. Allah Ta'ala, c'est le plus haut. Allahu Akbar, tu dis Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala al-a'la. Qu'est-ce que tu dis dans le sujoud? Subhan rabbi al-a'la wa bihamdihi. Subhan rabbi al-a'la wa bihamdihi. Subhan rabbi al-a'la wa bihamdihi. Il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas plus haut. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-a'la. Naam, huwa al-a'la. Il est dit qu'aucune des situations ne l'englobe. Sah, sah. Aucune des six directions ne l'englobe. Sah. لهذا لما يقول سؤال هل الله سبحانه وتعالى في جهة؟ Est-ce que Allah سبحانه وتعالى est-il dans une direction؟ Quand quelqu'un pose une question pareille, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit نستفسل. On lui dit qu'est-ce que tu veux dire par la direction؟ Si tu veux dire qu'il n'est partout, il n'est nulle part. Voilà ce que je veux dire. Il n'est nulle part. On lui dit alors tu te trompes. Si tu veux dire qu'il n'est nulle part, et par nulle part, tu veux dire qu'il n'est pas au-dessus de son trône, on te dit tu te trompes. Ça c'est Cheikh l'Islam qui dit. Et si tu veux dire que par direction, tu veux dire les cieux, sah. En ce sens, il est au-dessus des cieux. En ce sens, il y a cette direction. En ce sens, naam. C'est pour ça que quelqu'un s'y dit, est-ce qu'Allah a une direction? On lui demande, qu'est-ce que tu veux dire par la direction? À droite, à gauche, tu veux dire qu'il n'est pas sur le trône? S'il dit oui, on lui dit, tu te trompes, il est sur le trône. C'est le Coran qui a dit ça. S'il dit non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Alors, le contraire, on lui dit, d'accord. Là, on accepte de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. En ce sens, c'est un peu la direction, en ce sens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans les directions. Allah subhanahu wa ta'ala, il est... C'est pour ça, en arabe, on dit, dans les livres de l'Aqida, on dit, jihat al-ulu, la direction du haut, jihat al-ulu, jihat al-ulu. Et Tahawla Ahmou, quand il a nié les six directions, yani, pour contredire ceux qui disent, il est dans une direction comme ça, il est à gauche, il est à droite, il est en haut, il est en bas. Nous, on dit non, il est au-dessus de son trône, sans toutefois dire qu'il est dans une direction. Naam, entre parenthèses, sauf avec la nuance que je viens de dire dernièrement. Naam, tafadhal inshallah. En ce qui concerne Ibn Abbas, quand tu as Ibn Abbas, Ibn Badis, astaghfirullah. Le tafsir du Cheikh Ibn Badis de Constantine, est-il bon? Je n'ai pas lu tout son tafsir. J'ai lu des extraits, ils m'ont plu. J'ai lu des extraits, ils m'ont plu. Même j'ai lu que Cheikh Abdel Ramadani, Cheikh Abdel Malik Ramadani, j'ai lu aussi que dans ses livres, il, comme dans le livre Madarik al-Nazar, il s'est basé un peu sur ce qu'a dit le Cheikh Rahimahullah. Mais maintenant il y a des gens qui le critiquent, qui ont même écrit un livre sur lui, etc. Que je n'ai pas lu le livre qu'il a critiqué pour voir si c'est vrai ce qu'a dit le critiqueur Rada dans le livre, je ne peux pas critiquer Ibn Badis, Allah yarhamou, jusqu'à ce que quelqu'un me montre quels sont les défauts et quelles sont les fautes qu'il a commises, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadal inshallah. Assalamu alaikum. Dans le hadith que vous avez cité, ou quand on fait un pas vers là, il vient nous en marchant sur ton coin. Est-ce qu'on doit prendre le marché courir tel quel, ou est-ce qu'une image utilise pour nous faire comprendre? Barakallahu fik. Ou est-ce une image que Allah Ta'ala utilise pour nous faire comprendre? Naam, mais j'attendais que le chénif... Naam, on doit prendre ces choses telles quelles. Naam, on doit prendre ces choses telles quelles. C'est comme ça, madhab al-sunnah ou jama'a, on doit prendre les choses telles quelles. Certains ulama, comme Ibn Uthaymin, la yarhamou, dans son livre Qawaid al-Musla, si je ne me trompe pas, a dit que certains ont dit que quand tu vas vers lui, il vient, yani, en courant, quand tu marches, lui, il court, etc. Ils ont dit que ça a aussi le sens de. Yani, il accepte de toi vite. Il accepte de toi. Yani, toi, tu ne fais qu'un petit geste, lui, il fait beaucoup. Ça veut dire que il accepte de toi, yani, les choses bien sûr que, qu'il aime, c'est-à-dire les adorations, etc. Mais la plupart des salafs, la plupart des salafs ont laissé le hadith sur son apparence. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, quand il a, on lui a posé la question, هل نثبت لله الهرولة الهرولة يعني بفتح الله سبحانه وتعالى كور الهرولة il a dit يعني ce qu'on dit les ulama ensuite il a dit le plus juste c'est de dire oui et de laisser la chose en son apparence le plus sûr c'est de dire oui et de laisser la chose en son apparence mais ça n'empêche pas le deuxième sens car elles sont au jama sont تفسير باللازم تفسير باللازم كم par exemple lorsque الله سبحانه وتعالى a dit يد الله فوق أيديهم si tu vas voir ce qu'a dit Ibn Kathir tu trouves يد الله فوق أيديهم il veut dire يعني تأكيد البيعة c'est l'allégeance التأكيد c'est يعني pour montrer que le béa elle est sûre. C'est un qui le béa. Mais la différence entre nous et les autres qui sont pas national jamaa, ils disent donc yadullah fouqa aidihim, c'est ta'kid le béa, c'est tout. Et nous on dit صح ta'kid le béa, mais هذا c'est un tafsir bil lazim. Mais on doit dire que Allah subhanahu wa ta'ala a des mains, il a deux mains, mais dans ce verset ça veut dire qu'il veille pour qu'il respecte le pacte. L'Allah a dit, mes mains sont au-dessus de leurs mains. Mais en même temps, il a les mains. Il n'est pas comme l'Ash'ari, on dit ça veut dire qu'il veille à Sito. C'est pour ça que Ibn Kathir, si tu vas dans d'autres versets où l'Allah a parlé de ses mains, tu trouves qu'il dit, il a deux vraies mains. Naam. Et comme, il y a pas ouj-hu-rabbika. Les autres, ils disent, il reste le visage d'Allah. Donc, le visage d'Allah, c'est Allah. Nous, on dit non, le visage d'Allah, c'est pas Allah. Il y a le Allah, subhanahu wa ta'ala, il a un visage. Ici. Yabqa wajhu rabbika, c'est Allah qui yabqa. Billazim. Il ne reste pas le visage seul. Le visage d'Allah, c'est Allah qui reste. Mais Allah a un visage. Attention à la différence. Il a un visage. On ne dit pas comme l'Asha'ira ou là. Le visage, ça veut dire Allah. Là, Allah, c'est une chose, le visage c'est autre chose. Le visage c'est quelque chose qui est un attribut qui ne se détache pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a cet attribut, il s'appelle le visage. C'est pas Allah, c'est le visage. Naam, tafaddal inshallah, su'al akhar. Prochain su'al inshallah. Inshallah, très bientôt après que les gens reviennent de l'Hajj, inshallah ta'ala, on va ouvrir, un groupe. On va ouvrir, inshallah ta'ala, une salle, aussi en français, mais pas ici en islam. Là-bas, yani à l'intérieur où il y a Europe. Pour toucher un peu, les Européens, ça, pour essayer de les attirer en islam. Ce ne sera pas pour les frères et les sœurs, mais ceux qui veulent participent. Mais c'est surtout pour ceux qui ne croient pas en islam, pour que, inshallah ta'ala, essayer de leur faire la da'wa bi'idna subhanahu wa ta'ala. On aura besoin au moins de 20 personnes là dans l'administration de cette salle pour nous aider. C'est pour ça que je demanderai au moins 10 ou 20 personnes d'être avec nous, inshallah ta'ala, dans la salle pour qu'on leur donne l'administration parce que ce sera une salle, inshallah ta'ala, où il y aura beaucoup de monde bi'idna subhanahu wa ta'ala. Une salle spécialement pour les chrétiens, pour parler d'islam et pour les faire les niqash avec eux, etc., et de leur faire les doros bidna subhanahu wa ta'ala. J'ai un ami qui commence à s'intéresser à la religion, et il m'a dit qu'il suivait un mouvement ibadite d'Algérie. Connaissez-vous ce mouvement et que devrais-je lui dire, barakallahu fik? Hein? Dis-lui que il doit s'éloigner de ce mouvement comme l'Est est loin de l'Ouest. Naam, dis-lui de s'éloigner de ce mouvement comme l'Est est loin de l'Ouest, comme le ciel est loin de la terre. C'est un mouvement qui est basé sur des innovations. C'est un mouvement qui sa base c'est des kharijites, sa base c'est des kharijites. Les kharijites, les khawarij, sont divisés en beaucoup de sectes. La secte la plus dangereuse des khawarij s'appelle Azariqa. Ensuite, en deuxième position, il y a cette secte, l'Ibadiyya. C'est la deuxième position qui vient, juste derrière, après l'Azariqa. C'est une secte très très dangereuse dans la Aqida. Mais c'est une secte maintenant qui s'est éloignée de la violence. Le khawarij, c'est la violence. Il dit tu es kafir et ensuite commence à faire la guerre. Ceux-là, alhamdoulilah, en Algérie, ils n'ont jamais fait de problème. Ils n'ont jamais fait de problème. Mais leur doctrine est fausse. Leur doctrine en Allah subhanahu wa ta'ala, en jugement dernier, en enfer, etc., elle est faussée et elle est fausse. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le verra pas le jour du jugement dernier. Ils disent que quiconque boit de l'alcool est kafir. Quiconque fait de la zina est kafir. Et comme ça. Alors, tu lui dis, inshallah, nasiha, s'il veut rencontrer demain Allah subhanahu wa ta'ala ravi de lui, et s'il veut boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'éloigne de cette secte, bi-idnillah azza wa jal. Tfadl al-Karim. Le cheikh avait parlé du compagnon Safwan, radiallahu ta'ala anhu, lorsque sa femme était allée se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pouvais-tu lui demander l'explication de ce hadith? Demande à cette personne, Omar Abdallah, est-ce qu'elle veut que je yani, répète le hadith, je l'explique ou là, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que cette personne veut que je réexplique ce hadith? Parce que j'ai pas bien compris sa question. Elle te dit seulement oui ou là, si c'est autre chose, c'est autre chose. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Naam, j'attends inshallah ta'ala qu'elle te réponde. Elle dit naam. Sah. La femme de Safwan, radiallahu ta'ala anha, et lui, radiallahu ta'ala anhu, est partie au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de son mari. Quand elle est arrivée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un groupe de gens assis, et il y avait avec eux, avec le groupe, il y avait son mari à elle. Bien sûr, ça l'a pas empêché de se plaindre. Peut-être c'est mieux qu'il soit présent, qu'il entende. Elle a dit, ya Rasulallah, inna Safwan ou inna Zouji. Je crois que même elle l'a cité. Yadribouni da Salit. Il me frappe si je fais la prière. Ou yufatirouni da Somt. Et il me fait manger si je fais le jeûne. Ou ala yusallit Somt. Hatta tatlou Hashems. Et il ne fait pas la prière du Fajr le matin jusqu'à ce que le soleil se lève. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masha'Allah, ce n'est pas, yani, il a la sagesse, la hikma. Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté de beaucoup de hikma. Il n'a pas dit à son mari, pourquoi tu fais cela? Pourquoi? Il n'a pas honte, ceci. Il lui a dit, qu'as-tu à dire? Safwan, qu'as-tu à dire? Réponds. Naam, il a dit, je vais répondre. Quand elle a dit, quand ma femme a dit que je l'ai frappée quand elle faisait la salat, parce qu'elle lisait plus d'une sourate, plus de deux sourates. Naam. Elle lit, par exemple, Alhamdulillah, quand elle termine, elle lit deux sourates. Elle lit deux sourates. Elle a dit, il a dit, yani, elle prend beaucoup de temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, naam. Yani, لو قرأ الناس بسورة تكفي. Naam. Si vous lisez avec une sourate, ça suffit. Pas la peine de lire avec deux sourates. Une sourate, inshallah ta'ala, ça suffit. Il a dit, quant au fait, lorsqu'elle a dit que si elle jeûne et je la frappe, il lui a dit à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, moi je suis jeune, je viens seulement de me marier. Elle est tout le temps en train de jeûner. Et moi, je dis la vérité, je suis jeune, je viens de me marier, j'aime ma femme, moi, j'ai envie d'elle. Comment se fait-il, je la trouve toujours en train de me dire, éloigne-toi de moi, je fais le jeûne. Il m'a dit, moi, je suis jeune. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, à partir de ce jour, il a dit, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وإذنها يعني شاهد إلا بإذنه. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, il est interdit à chaque femme, chaque croyante, de faire le jeûne surérogatoire sans la permission de son mari. Il est interdit. Si une femme fait le jeûne sans la permission de son mari, c'est comme si elle a fait un péché. Il est interdit. Sauf dans deux cas. Quand elle sait que ça lui dit rien. Elle a l'habitude de faire et il la laisse. Plusieurs fois elle a essayé, yani, il ne demande pas son avis, il ne cherche pas lui son avis. Yani, il lui a donné un avis global, comme ça en général, qu'elle pouvait faire. Et le deuxième cas, sauf quand il est absent. Quand il est absent, il est parti en voyage ou là, la femme veut jeûner, elle jeûne. Pourquoi? Parce qu'elle ne doit pas jeûner, parce que peut-être il a besoin d'elle. Maintenant, il n'est pas avec elle. À quoi ça sert? Donc elle peut jeûner. Et la troisième des choses, il a dit à Rasulullah, quand elle a dit que je ne faisais pas la salat fajr jusqu'au coucher du soleil, il a dit, sah, je suis issu d'une famille, on est connu pour avoir la tête lourde. On a un sommeil lourd. On ne se réveille pas, je ne peux pas, ya Rasulullah. Je suis comme ça. C'est une sorte de maladie. C'est, yani, héréditaire. Cette chose, il a dit, on l'a, yani, de la famille, de père en père. Et on a le sommeil lourd. Ça existe chez certains gens. Certains gens ont ce qu'on appelle le sommeil lourd. Tu viens avec lui devant ses oreilles. Tu frappes avec le tambour, il ne se réveille pas. Tu lui mets yani, le téléphone dans son oreille, il ne peut pas l'entendre. Il a le sommeil lourd. Il a dit, je suis comme ça. Le professeur lui a dit, donc, quand tu te réveilles, tu fais la prière. Dès que tu te réveilles, tu fais la prière. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce hadith? Bien sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne juge pas avant d'écouter l'accusé. Il ne juge jamais personne avant d'écouter l'accusé. Parle d'abord, défends-toi, on va voir ce que tu vas dire. Et ça c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est que, mashallah, si on prenait tout ce que disaient les femmes sans demander, yani, à chercher un peu yani, les détails et de voir derrière qu'est-ce qui se passe, yani, on serait beaucoup trompé. Car quelqu'un qui aurait entendu la femme dire comme ça, sans essayer de comprendre, sans demander à son mari, l'accusé, de s'expliquer, voilà, ça aurait été grave. Imaginez-moi, une femme, elle vient, elle me dit, « Cher, mon mari, dès que je fais la prière, il me frappe. » Qu'est-ce que je vais lui dire ?« A'oudou billah !» Il te frappe pour la prière. A'oudou billah, qui c'est celui-là? Qui c'est? Attends, j'ai pas terminé. Ah, il y a autre chose. Bien sûr. Si je fais le jeûne, il me fait manger. Allahu Akbar. Déjà, je vais chercher le bâton, moi. Parce qu'il est le bâton, la barre de fer. Déjà, je commence à chercher la barre de fer. Non, où est-ce qu'il est celui-là? Et en plus de ça, attends, elle va me dire, attends, je te dis, en plus de cela, il fait jamais la prière du sop. Il a fait à 9h à 10h quand il se lève. La hawla wa la quwwata illa billah, munafiq. Celui-là, c'est un munafiq. La hawla, naam. Comme ça, disent les juhal, bien sûr. Comme ça, disent les gens qui n'ont pas de chikma. Comme ça, disent les gens qui n'ont pas de science. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, yani, nous éduque. Et Rabbina nous éduque. Et ce hadith nous apprend aussi que quoi? Que quand quelqu'un parle, ne l'écoute pas lui seulement. Écoute aussi l'accusé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, je crois, mais c'est un hadith sahih dans le jami' sahih, il a dit que la taqdi bayna itnayn hatta tisma'a minhuma. Jamais ne donne un jugement entre deux personnes jusqu'à ce que tu écoutes les deux. Naam. Naam. Quand il vient quelqu'un te dire des choses, sah. Allah, tu m'as blessé, c'est ce que tu as dit. Ou ça paraît grave, naam kada, mais pardon, laisse-moi entendre l'autre personne. Naam, tout ce que tu as dit, je t'ai cru, ou mashallah, ou klamak yani mashallah, mais pardon, laisse-moi l'occasion d'écouter l'autre personne. Et quand tu écouteras l'autre personne, tu trouves que c'est tout à fait le contraire. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et des fois, sans le vouloir, ici la femme, quand elle a dit comme ça, est-ce qu'elle voulait aller faire du mal ou là? Elle a dit ce qu'elle, elle a dit la vérité, ce qui se passait. Mais elle l'a dit d'une façon, sans le vouloir, elle n'a pas bien expliqué les choses. Elle n'a pas, elle a dit en général, mon mari me frappe quand je fais la prière. Dis-lui, mon mari me frappe parce que je lis beaucoup. Et j'ai pas, je dois lui faire cuire, manger, je dois lui laver les vêtements. Moi, je reste dans la salle. C'est pour ça qu'il m'a frappé. Mon mari me frappe, mon mari me dit mange parce qu'il a besoin de moi. Moi, je suis tout le temps avec le jeune. Alors, il m'a dit mange, mange, j'ai aussi mon droit. C'est pas seulement tu fais le jeune, j'ai aussi des droits. Pourquoi je me suis marié? Pourquoi je suis jeune? J'ai des tentations. Parle comme ça, tu comprendras. Quand tu parles comme ça en général, les gens, c'est pour ça que j'ai dit, des fois quelqu'un vient avec un œil bleu et du sang qui coule. Il te dit, regarde, regarde ce que m'a fait l'autre, regarde ce que m'a fait Mohamed, il m'a frappé, tu vois mon œil, il est bleu. Toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'essayer de comprendre, ou là aussi, au lieu d'essayer de dire, bon, appelle Mohamed, on va le voir. Toi, non, directement, ça veut dire que là, si tu as frappé, donc c'est toi qui as raison. Et tu vas, je ne sais pas quoi faire. Quand tu arrives chez Mohamed, tu trouves que Mohamed a les deux yeux crevés. Si celui-là, qui est venu se plaindre, avait un œil crevé, eh bien, Mohamed, il a les deux yeux crevés. C'est pour ça qu'il ne faut pas beaucoup se précipiter, avoir de la sagesse et beaucoup de fiquement. Alors, subhanahu wa ta'ala, يعني يوفقنا ويكون لنا. تفضل إن شاء الله بروشان سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Un frère vient déménager à Paris. Il vient de commencer son nouveau travail et ne pourra pas acheter et sacrifier le montant pour son travail car il vient de débuter. Peut-il donner l'argent à un frère qui est dans le besoin pour qu'il le fasse à sa place? Naam, il peut le donner, ça s'appelle wikala. Naam, il donne à quelqu'un, il lui dit, voilà, achète un mouton et, naam, à sa place. Naam, c'est comme si lui l'avait acheté, mais puisqu'il lui peut pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à sa place. Mais c'est son mouton à lui. C'est son mouton. La sunna, c'est qu'il soit présent lorsqu'il égorge. C'est seulement sunna, c'est pas obligatoire. Maintenant, s'il peut pas être présent quand il égorge, au moins, alhamdoulilah, il a fait, inshallah ta'ala, ce qu'il pouvait faire. Naam. Faudal, inshallah. Salam alaikum. Un frère demande, ma mère, qui est loin de l'islam, m'a envoyé un chèque pour mon anniversaire. Que dois-je faire de ce chèque? J'ai le droit de le garder. En sachant que mon intention est différente de celle de ma mère, ou dois-je m'en débarrasser, barakallahu fik. Naam. Toi, elle t'a donné cet argent pour un but, qui est l'anniversaire, qui est haram, et toi, tu vas l'employer dans un but qui est halal, inshallah ta'ala. Elle t'a donné de l'argent pour l'anniversaire, toi tu vas acheter Tafsir Ibn Kathir, et tu vas acheter Majmou' al-Fatawa de Sheikh al-Islam. Voilà ton anniversaire, inshallah ta'ala. Tu achètes les livres de din, et tu prends cet argent et tu l'utilises à des fins que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et tu es sorti, inshallah ta'ala, du problème. Naam, voilà comment tu t'en débarrasses. Fadla, inshallah, prochain soir. Vous avez dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala descend la nuit, c'est sa rahma qui descend. C'est sa rahma qui descend. Une seconde, qu'est-ce que... Naam. C'est sa rahma qui descend et qui parle injuste. Et que peut-on dire aux gens qui ne veulent pas qu'on leur pose cette question? Où est Allah? Est-ce que la femme a le droit de refuser la polygamie? Chose, je n'ai pas dit, c'est sa rahma qui descend. Cher frère ou la chère sœur, peut-être tu m'as pas compris. J'ai dit, les autres disent, c'est sa rahma qui descend. Ça veut dire, ceux qui sont dans l'égarement, ceux qui se trompent, disent, c'est sa rahma qui descend. Nous, on leur dit, vous vous êtes trompés. C'est Allah qui descend. C'est pas sa rahma. Car la rahma ne parle pas, il ne dit pas qui s'est trompé, je lui pardonne, qui m'invoque, je lui exauce, etc. C'est Allah qui descend et c'est Allah qui parle, subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas sa rahma. Voilà ce que je voulais faire comprendre, incha'Allah ta'ala. qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui ne veulent pas qu'on leur pose cette question, oh Allah? Ces gens-là, qui ne veulent pas qu'on leur pose cette question, on ne leur pose pas. On leur la pose pas. Non. Ce n'est pas de la sunna de poser cette question sans but. Comme ça, à droite, à gauche. Je rentre chez l'épicier, salam alaikum, oh Allah. Je vais chez le boucher. Donne-moi un peu de viande, oh Allah. Je vais chez le mécanicien. Ma voiture est en panne, oh Allah. Je vais chez le boulanger, donnez-moi un pain, oh Allah. Ça, c'est pas de la sunna, ça n'a rien à voir avec la sunna. Elle dit, cette question, on la pose quand on veut, par exemple, on est dans des gens qui veulent comprendre le din, des gens qui sont intéressés, des gens, on va débattre. On pose cette question, ensuite, yani, on commence à leur faire comprendre à ma femme, à mes enfants, à ceux qui veulent comprendre. Mais les gens qui ne veulent pas qu'on leur pose cette question, je ne lui pose pas cette question. Et s'il veut pas que je m'assoie avec lui, je ne m'assois pas avec lui. Et s'il veut qu'on se parle plus, on se parle plus à cause du minhaj, s'il veut, on se parle plus, il n'y a pas de problème si c'est à cause du minhaj. Donc cette question, c'est pas on la pose n'importe où. Cette question, comme je disais, on la pose pour apprendre les gens, là on la pose pour quelqu'un qui accepte cette question, qui veut comprendre, quelqu'un qui veut débattre, quelqu'un qui a des choubous à jouer, explique. Voilà quand est-ce qu'on la pose. Moi, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, des fois, je rencontre par exemple des amis ou là des voisins ou là, par défaut, vous m'entendez pas, Abou Abdelaziz, Abou Bilal, tu m'entends pas, Abou Bilal. Non. Je disais, des fois, par exemple, je suis avec des gens, des amis ou là, je sais qu'ils connaissent pas cette chose, je veux là leur apprendre, je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez, je vais poser quelques questions, Inch'Allah Ta'ala, vous allez répondre. Ils me disent ça, c'est pas mal. Je dis, par exemple, et si on vous demandait, où est là, qu'allez-vous répondre? Pourquoi? Parce que je sais que ce sont des amis qu'ils acceptent, et que ça leur fait plaisir, etc., qu'ils apprennent, etc. Mais moi, je pose pas cette question, hein, par exemple, à des gens qui sont contre, par exemple, le minhaj, ou là, des gens qui sont contre cette chose. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que la femme a le droit de refuser la polygamie? Est-ce que la femme a le droit de refuser la polygamie? Il y a une chose que beaucoup de gens n'ont pas voulu comprendre. Quelle est cette chose? Une chose que beaucoup de gens n'ont pas voulu comprendre, cette chose, c'est que quand la femme fait comme condition à l'homme ou là au prétendant, comme condition qu'il ne se marie pas sur elle, certains gens là beaucoup croient qu'elle a refusé la polygamie et par conséquent elle a refusé le verset d'Allah et par conséquent c'est une perverse ou une kafira. Classe. Elle n'a pas accepté le jugement d'Allah. Allah a dit 4 et elle a dit non. Toi tu te maries seulement avec une. Celle-là, classe, c'est grave, hein? C'est grave pour elle. Et ce n'est pas comme ça. Celle qui devient kafira, c'est celle qui dit, je ne reconnais pas cette chose. Allah a dit 4 dans le Coran, il n'y a pas 4. Il faut une seulement. Il n'y a pas, c'est interdit. 2, 3, 4, c'est interdit. Ça, c'est une kafira. Elle n'a pas accepté le chokm d'Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, l'eau est halal, et toi tu dis, l'eau est haram. Tu es kafir. Si, bien sûr, si tu sais que Allah a dit que l'eau est halal. Allah a dit le pain est halal, toi tu dis le pain est haram, kafir. Allah a dit, tu te maries avec 4, c'est possible, toi tu dis non, c'est pas possible, 3, il faut seulement une, c'est kafir. Mais, bien sûr, je dis, sauf celui qui connaît pas l'islam, ça. Mais celle-là n'a pas dit je ne reconnais pas, elle a dit je sais, je connais bien le verset. Allah a dit 4, mais moi je te pose comme condition, de ne pas te marier, c'est tout. Je t'ai pas dit, c'est haram. Je t'ai dit, ne fais pas le halal à cause de moi. C'est une de mes conditions. Comme je peux donner de conditions, tu te maries avec moi, à condition de ne pas manger le chocolat. Le chocolat, c'est halal. Je t'ai pas dit, c'est haram. Mais c'est une condition pour moi. Tu manges pas le chocolat. Tu accepterais. Tu n'habites pas. Voilà une condition. Tu n'habites pas dans un immeuble. L'immeuble, habiter dans un immeuble, c'est halal. je veux pas que tu habites dans l'immeuble. Tu habites dans une maison, pas dans l'immeuble. Tu te maries avec moi à condition. Tu ne montes pas dans la voiture. Pas de voiture. La voiture, c'est halal, mais je veux pas que tu achètes une voiture. C'est la même chose. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, Cheikh Ibn Uthaymin aussi, il est permis à la femme de faire comme condition, je ne veux pas que tu te maries avec une deuxième. Je ne veux pas. C'est halal, je ne veux pas que tu fasses ce halal à cause de moi. Tu acceptes. Voilà ma condition, tu l'acceptes pas, marie-toi avec une femme qui n'a pas cette condition, qui n'est pas jalouse, qui je ne sais pas quoi. Moi je sais que tu as la permission de te marier, mais je t'ai dit seulement, si tu me veux moi, moi c'est ma condition, qu'il n'y a pas une deuxième. Voilà ce que je dis. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, c'est permis, c'est halal. Elle n'a pas dit c'est haram. Elle n'a pas dit c'est haram se marier. C'est permis de se marier, mais moi je te dis de ne pas faire le permis, c'est tout. Je ne t'ai pas dit de le rendre haram. Je t'ai dit de ne pas le faire. Comme je te dis, tu te maries avec moi, tu ne manges pas les oranges. On n'achète pas les oranges dans la maison. Les oranges c'est halal, mais on ne les achète pas. Les oranges, ils me font des nausées, je ne les aime pas. La même chose, je n'aime pas que tu te maries, ça me fait mal au cœur. Je sais que c'est halal, mais moi je ne veux pas. Voilà. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Prochain soir, inshallah, il reste deux ou trois questions, on termine. Tfadda. Je voudrais savoir si au paradis, inshallah, on pourra faire ce que Allah ne voulait pas qu'on le fasse dans ce dunya. Par exemple, danser, chanter, instruments de musique. Naam. Dans le paradis, on ne fait pas quelque chose qui était haram ici, à ce que je sache. Naam. Puisque est haram ici, et dans le paradis halal, mais avec une autre forme. Je donne un exemple. L'alcool est haram ici. Le vin, la bière, l'alcool, le whisky, tout ça, c'est haram ici. Et pourtant, il y a des rivières de vin et d'alcool dans le paradis. Quelle est la différence? La différence, c'est que l'alcool du paradis, ou le vin, a deux choses différentes. La première, le goût, il a un goût, yani, masha'Allah, masha'Allah. Alors que le vin d'ici ou là, quand tu le bois, déjà c'est difficile à avaler. On le boit juste pour yani, se saouler. Sinon c'est difficile à avaler, surtout pour les débutants. Déjà c'est difficile. Et la deuxième des choses, il a cette particularité que tu bois autant que tu peux, tu ne deviens jamais saoul. Et tu n'as jamais de maux de tête. La bière, le vin ici, quand tu bois, tu commences par les maux de tête. Ensuite, tu finis par vomir et par uriner sur toi. Tu urines sur ton pantalon, qu'on fait le chien ou la yadoubillah. On finit par quoi? Par se trouver à plat ventre, en train de vomir, et on a uriné sur soi, comme un porc ou comme un chien ou la yadoubillah. Allah Ta'ala, quand il a parlé du vin du paradis, il a dit لا يصدعون عنها ولا هم ينزفون. Il a dit يصدعون. Elle n'a pas soda. Soda, c'est le mal de tête. Il n'y a pas de mal de tête quand tu bois l'alcool du paradis. Donc tu vois, il y a l'alcool, il y a le vin, mais ce n'est pas la même chose. Là-bas aussi, il y a des instruments de musique, il y a la musique, mais j'ai lu moi comme ça quelques affaires ici, ils disent c'est les arbres qui font de la musique. Il dit ce sont les oiseaux qui font. Il y a les femmes, les hurl'in, qui font les chansons. Nahnu al-khalidat, al-aminat, nahnu ceci. Ils commencent à chanter. Il y a tout ce que tu veux, mais il n'y a pas la musique, t'as les fous. Il n'y a pas la musique, t'as les... Hein, commence à, je ne sais pas, à sauter comme des fous. Comme font donc, on voit la... Quand on entend et on écoute, Allah yahdi homma. Comment ça s'appelle avec celui qui parle? Il parle comme ça, des fous, hein, comment ça, je sais pas comment, comment ça bouge comme un shaitan. Le rap, nam. Nam. Pour moi, ce sont des shayatins. Ce sont des shayatins qui se sont transformés en forme humaine. Je sais pas comment qui fait. Allah al-Musta'an. Au paradis, il n'y a que des choses, yani, qui, masha'Allah. Des choses yani, qui marchent avec le paradis, des choses qui sont en cohérence. en cohérence avec le paradis, avec yani, quelqu'un qui est mûr, quelqu'un qui a l'iman dans le cœur. C'est pas la danse du juhel, la danse du juhel. On dirait un animal qui ne sait pas, ou là un fou. Khlas, quelqu'un qui est devenu fou. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتفضل إن شاء الله بخشن سؤال. دون سنن النسائي كل مرة بكوايون حفصة رضي الله تعالى عنها. طيب راح لي سؤالها. كحفصة رضي الله تعالى عنها كل بخوفة صلى الله عليه وسلم نا جامي ليسي سي 3. Le jeûne des 10 de l'Ul-Hijja, les 3 de chaque mois, et 2 rak'at avant de déjeûner. Et dans Sahih Muslim, on trouve selon Aïcha, je n'ai jamais vu le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, jeûner dans les 10, dans une autre version, l'am yassoum al-ashr, n'a pas jeûné les 10 aucunement. Alors, comment on peut travailler avec ce hadith, on sache que le hadith qui parle du grand mérite des bonnes œuvres dans cette première dizaine de l'Ul-Hijja, et le jeûne est l'une des plus grandes œuvres, barakallahu fikum. Naam. Il n'y a aucun hadith sahih qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné les 10 jours. Aucun hadith sahih qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné les 10 jours. Naam. D'ailleurs, je te donne une preuve seulement, yani, bil'aql. Regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque jeûne le 9e jour, yani le jour de Arafat, ça annule deux ans de siyyat, ça, celui qui jeûne, celui qui n'est pas au hajj, celui qui est au hajj, il ne peut pas jeûner, celui qui est ici, il jeûne, c'est Allah Azza wa Jal va lui ajouter, c'est un vendredi, ce sera un vendredi, Allah, ce sera le vendredi prochain, Allah Azza wa Jal va lui annuler deux ans de quoi? De péché. Donc, si c'était dans les 10 jours, si on devait faire le siyam de 10 jours, pourquoi il allait parler de Arafat le 9e jour? Ça rentre dans les 10 jours, classe. Et les 10 jours, ça rentre à Arafat au milieu. Non, il a fait sortir Arafat, pourquoi? Parce qu'il y a la sunna, c'est ce jour-là, c'est sur le 9e. Et le 9e jour, et bien sûr, quand tu fais le siyam de l'Ashura, ça c'est autre chose, le 9e et le 10e, l'Ashura. C'est pour ça qu'il n'y a pas hadith spécialement dans le siyam de ces 10 jours. Dans ces 10 jours, Allah Azza wa Jal aime les bonnes actions. Si tu jeûnes, c'est masha'Allah, c'est une bonne action. Si tu ne jeûnes pas, ça ne fait rien. Il n'y a pas un hadith où le prophète sallam jeûne ces 10 jours. Si tu jeûnes, masha'Allah, tu ne veux pas jeûner, tu ne jeûnes pas. Tu jeûnes 2-3 jours. Et les bonnes actions, c'est pas seulement le jeûne. Donne l'argent aux pauvres. Aide les gens. Fais beaucoup de rak'at. Fais la prière de la nuit. C'est pas seulement le siyam. Mais si tu veux le faire, inshallah ta'ala, le siyam, fais-le, il rentre dans les bonnes actions. Mais il faut pas dire aux gens que on est obligé, ou là, que c'est de la sunna, de faire 10 jours comme ça, de siyam. C'est pas de la sunna, il n'y a pas une sunna qui dit, tu dois faire 10 jours de siyam. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. Tfaddal, inshallah, prochain soir. Le paradis, masha'Allah, l'on tout est sur le paradis. Quand sera-t-il? Inch'Allah, quand viendra le dars du paradis? Quand sera-t-il? Quand on parlera, inch'Allah, du paradis en détail, inch'Allah ta'ala. Et on parlera aussi de l'enfer en détail. L'enfer, vous allez voir qu'est-ce qu'il attend. Vous allez dire qu'est-ce qu'il nous attend. Inch'Allah, il nous attend pas. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a en enfer. En ce qui concerne le paradis, est-ce que si, sur terre, on a souhait d'être avec notre famille, notre mère, mon père, je n'ai pas connu mes frères, est-ce que ça va être possible comme si on souhaite, comme le frère, voler comme un oiseau? J'ai dit que, alhamdulillah, l'une des grandes différences entre nous et les koufars, c'est laquelle? C'est nous, qui n'avons pas vu certaines personnes, Nous avons la certitude qu'on va les voir s'ils sont musulmans. Celui qui a perdu son père, celui qui a perdu sa mère, celui qui n'a jamais vu sa mère, celui qui n'a jamais vu son père, celui qui dont son père est mort, il a laissé jeune. Tout cela, tu te dis, alhamdoulilah. demain je vais mourir et je vais le voir. Mais le kafir, c'est très difficile pour lui. Il n'a pas cette, il n'a pas ce dogme. Pour lui, il va devenir poussière. Comme a dit Allah Ta'ala, كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ. Allah Ta'ala dit comme les kuffars, خلاص, ils n'ont plus d'espoir en ce qui concerne les morts. Nous, alhamdulillah. Alors, je vous donne un exemple très simple. Moi, j'ai été élevé chez mon grand-père. Quand il est mort, il m'a laissé à peu près à l'âge de 9 ans, 10 ans. 9 ans, 10 ans pour moi, ça ne m'a pas suffi. Tellement il m'aimait, tellement je l'aimais. Enfin, j'ai pas vécu chez ma mère et mon père, j'ai vécu chez mon grand-père. Jusqu'à présent, j'ai cette chose dans le cœur, yani de qu'il m'ait quitté jeune, qu'il soit mort jeune. Mais c'est qadar Allah ma chefal. Mais en revanche, j'ai cette chose dans le cœur que, inshallah, très bientôt, je vais le voir. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui t'aide. Tu dis, alhamdoulilah, demain je vais mourir, je vais voir mon grand-père, je vais voir le prophète Al-Sulam, je vais voir Omar Bourtab, je vais voir X, Y, que je n'ai pas vu, mes oncles, mes cousins. Ça déjà, c'est, ça te donne yani, un grand espoir, une grande joie dans ton cœur. Le kafir, non. Le kafir, il ne sait pas où il va aller. Avant de dormir chaque soir, il lui faut de la drogue et de l'alcool. Pour que il ne réfléchisse pas, pour que il se soucie pas. Car quand il reste comme ça, ni drogue, ni alcool, il va se faire beaucoup de soucis. Il a peur de mourir, il ne sait pas où il va aller, c'est sombre, c'est des trucs mélangés pour lui, c'est l'hayra outi, c'est l'égarement total. Nous, alhamdoulillah, tout est tracé devant nous. Tu sais d'où tu es venu, pourquoi tu es venu, l'ibada, où tu vas partir. Tout est tracé, clair. Tu sais ce qui t'attend demain, et comment ça va se passer avec les détails. Le kafir miskin, en ce sens, il nous fait de la peine, le kafir. Le kafir, il nous fait de la peine. Comment yani, il vit, comment il veut oublier au maximum. C'est pour ça qu'il ne sort pas du bar. Il devient alcoolique, il veut oublier au maximum et profiter au maximum, car demain il n'y a rien. Demain c'est de la poussière. Nous, alhamdoulilah, je ne fais pas la chose avec l'intention que je vais avoir mieux qu'elle demain. Naam. Les autres, ils sta'djiloun l'hasanat. Ils sta'djiloun l'tayyibat. Moi non. J'attends ma part demain quand je meurs, pas maintenant. Demain quand je meurs, je vis moi pour l'au-delà, je vis pas pour cette vie. Cette vie, c'est un pont. Quand tu traverses un pont, le pont, il faut qu'il se termine. C'est impossible que tu construises une maison sur le pont. Le pont, tu dois le quitter pour aller de l'autre côté. La même chose. Moi, je vis comme ça pour aller de l'autre côté. Je suis une bougie. Une bougie, et la bougie, chaque demi-heure, tu la vois, tu trouves qu'elle descend, elle diminue, et un jour, elle va s'éteindre, et il faut qu'elle s'éteigne. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله أن يثبتنا ويكون معنا تفضل الأخ كريم تفضل عبد الرحيم تخيل tu viens de faire sortir et certain لا حول ولا قوة إلا بالله celui-là c'est le chef des égarés هذا et certain هذا c'est le chef des égarés هذا c'est dont je parlais quelqu'un qu'on a payé pour venir égarer les gens. Non, quelqu'un qu'on a payé pour faire égarer les gens. Un frère insiste pour la demande d'une sœur, mais celle-ci n'arrive pas à se lancer. Pour le préserver, elle ne souhaite pas s'engager, ne se sentant pas à la hauteur. Mais le frère s'est très bien renseigné sur cette sœur. Il est très attiré avec le bon comportement de la sœur et la motivation qu'Allah pour apprendre sa religion. C'est pour cela que le frère a insisté, mais la sœur ne souhaite pas, malgré qu'elle veut se marier. Aussi, pouvez-vous conseiller la sœur réagir? Et pour le frère, lui conseillez-vous de continuer d'insister ou bien de respecter le choix de la sœur? Barakallahu fikum. Naam. Je conseille à ce frère, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ماذا قال عبد الكريم نسأل الله أن يثبتنا ويحفظنا من فتن ما ظهر من بطن آمين يا رب العالمين نعم je conseille à ce frère s'il sait que la sœur n'a pas vraiment envie, qu'ils cherchent une autre. S'ils font que vraiment elle n'a pas envie, qu'ils cherchent une autre pour qu'elle ne rentre pas dans ce mariage à contre-cœur. Ensuite, la moindre faute, elle dit je savais qu'il ne fallait pas et je me suis marié. Je savais que celui-là ne, c'était pas celui-là qu'il fallait et je me suis marié. Et comme ça. Naam. Si tu veux, tu lui donnes, inshallah, un moment, un certain temps pour réfléchir. Mais n'insiste pas beaucoup jusqu'à ce que tu la forces. Elle fait l'istikhara. Et toi, inshallah ta'ala, tu fais l'istikhara. Si elle te convient, et Allah subhanahu wa ta'ala vous ouvre vos cœurs, tu te fais inshallah ta'ala. Sinon, comme a dit Ali radiallahu ta'ala anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, An-nisa u ghayruha kathir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu son problème avec Aïcha radiallahu ta'ala anha, on avait dit qu'elle avait fait ceci et cela, ma'adallah, mubarra'a, Siddiqa bint Siddiq, Ali radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, An-nisa u ghayruha kathir. Ya Rasulullah, les femmes, il n'y a pas seulement Aïcha, il y a beaucoup d'autres. Et bien sûr, cette phrase-là, Aïcha radiallahu ta'ala anha, l'a beaucoup touché. Parce qu'après, yani, quand elle a su qu'il avait dit cela d'elle, ça l'a touché, bien sûr, c'est une femme, et yani, elle a senti beaucoup de choses dans son cœur. Mais, lui, Ali radiallahu ta'ala, quand il a dit cette chose, il a dit, n'oubliez pas que le prophète Ali sallam, c'est son cousin. Il l'a vu dans un état, yani, vraiment déprimé. Il lui a dit, yani, il n'y a pas seulement elle. Moi aussi, je te dis, mon frère, il n'y a pas seulement elle. Il n'y a pas seulement elle. Tu fais, inshallah ta'ala, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de choisir et de t'aider. Tu vois où est le khair, inshallah ta'ala. En parlant de cela, ça m'a rappelé une chose. Je ne sais pas si la sœur qui m'a posé cette question est dans cette salle. Mais j'aurais aimé qu'elle soit dans cette salle. De toute façon, je ne vais pas lui répondre par email. Parce que sa question m'a dégoûté. Sa question, quand je l'ai lue, elle m'a dégoûté. J'ai dit, celle-là, je ne vais pas lui répondre par email. Mais, puisque maintenant je me suis rappelé, je vais répondre par quoi? Par verbalement, comme ça. Et peut-être, Inch'Allah Ta'ala, elle est avec nous dans la salle. Une sœur me dit, enfin, je dis une sœur, ça veut dire une femme. Une femme me dit. Je dis une sœur, ça veut dire que c'est une femme qui applique. C'est ça la sœur. La femme qui applique. Maintenant, si elle n'applique pas, c'est une femme normalement. Une femme me dit, quand quelqu'un, un homme, demande à une femme, peut-être qu'il lui demande à elle, est-ce que tu m'aimes ou pas? Et elle dit, alors que moi, je suis amoureuse. Est-ce que je lui dis oui, ou là je lui dis non, je mens. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Là, Anna, quand j'ai lu cette question, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. J'ai dit une question pareille. La hawla wa la quwwata illa billah. Normalement, on devrait avoir honte de poser une question pareille. Normalement. Un homme, je suis amoureuse de lui, et il me demande, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes pas? On n'est pas mariés, on discute de choses pareilles. Est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes pas? Combien tu m'aimes, combien tu m'aimes pas? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Moi, quand elle m'a posé cette question, tu dis, toi, c'est un manque de respect. Moi, des fois je dis, peut-être elle a besoin d'aide. Peut-être, yani, la foi n'est pas encore bien descendue dans son cœur. Naam, elle n'a pas encore senti la faveur de la foi. Halawat iman, elle la connaît pas encore. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être qu'elle a besoin d'aide. Il faut lui montrer, il faut l'aider. Il faut lui dire que attention, ce que tu fais, ça c'est quelque chose de grave. Ça c'est quelque chose de grave. Ça, ce sont des choses qui se parlent entre mari et toi, épouse. Ce n'est pas avec quelqu'un dont on parle avec l'internet ou le téléphone ou je ne sais pas quoi. Il me demande des choses pareilles. Est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes pas? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Seulement, je te dis, ma sœur, toi qui m'as posé cette question, si tu termines dans ce sentier, dans ce chemin, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Naam, j'ai peur que beaucoup ont commencé comme ça, seulement par parler. Comment vas-tu? Comment tu vas? Où vas-tu? comment tu es habillé, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Ensuite, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes pas, ou est-ce qu'on, quand est-ce qu'on se rencontre. Et c'est le grand problème, ou la iyadu billah. Je demande à cette sœur de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, d'arrêter les relations, et si elle a envie de ces choses, qu'elle se marie et qu'elle fasse cela dans le halal. Allah ta'ala sait que c'est lui qui nous a créés et sait qu'on a des tentations, on a des passions et que l'homme penche beaucoup vers la femme et la femme penche beaucoup vers l'homme. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai fait une issue. Mariez-vous et faites ce que vous voulez. Mariez-vous et rentre dans la chambre et ferme la clé. Fais ce que tu veux avec ta femme. Naam, marie-toi. Mais ne fais pas dans le haram. Ne le fais pas dans le haram. Et ces choses, ça arrive toujours et ça finit par le haram. Naam, ça finit toujours par le haram. Parlez-vous ceux qui se font trahir, parlez. Naam, j'ai parlé aussi tout à l'heure des frères qui se faisaient trahir par les sœurs. J'avais parlé au début du daf des sœurs qui se faisaient trahir par les sœurs. Tafadlal, inshallah, prochaine question, inshallah. عبد الكريم ماذا تقول أظن هناك استهزاء أم ماذا أين لم أفهم أين الاستهزاء يعني في السؤال الذي طرح إلي من طرف هذه المرأة هذا هو السؤال كيسكان أيميتي سنتجدو نو إتيل interdit à une femme mariée ou célibataire pour se moquer de nous. Non. Est-il interdit à une femme mariée ou célibataire d'avoir un ami avec qui elle s'entend bien, qui elle s'entend bien? Est-ce que le djilbab est obligatoire? Et si j'emménage, je déménage dans une nouvelle maison? Que dois-je faire? Dois-je faire des douas spéciales pour éviter de me faire attaquer par les djinns? Non. En ce qui concerne la maison, c'est pas la peine de faire des douas spéciales ou la spéciaux. C'est pas la peine. Tu dis bismillah, tu fais l'istikhara avant de déménager et d'acheter la maison. Tu fais l'istikhara. Ensuite, tu rentres à la maison. Adi bismillah, tu peux faire un doua l'homme en s'aluka min khayriha. Khayr ma fiha, khayr ma suni'at lahu, si tu veux. Mais il n'y a pas de doua spécialement tant que tu n'as pas vu ou la senti ou là qu'il y a des djinns qui font des machakil, etc. Il n'y a pas de doua spécial en ce sens. Tant que tu ne sais pas qu'il y a des djinns dans cette maison, parce que pas toutes les maisons ont des djinns. Certaines maisons ont des djinns, des vieilles maisons, surtout les vieilles qui ont été construites dans ce qu'on appelle un oued, dans des ravins, hado. Mais, pas toutes les maisons ont des djinns, pas toutes les maisons. C'est pour ça qu'on fait la ruqya quand il y a quelque chose. C'est pas comme ça, d'emblée. Est-il interdit à une femme mariée ou célibataire d'avoir un ami, homme avec qui elle s'entend bien? Non, mon principe, elle n'a pas à avoir des amis comme homme. Naam, elle a des amis femmes. Elle a des amis femmes et l'homme a des amis hommes. Naam, l'homme a des amis hommes et la femme a des amis femmes. Est-ce que le djilbab est obligatoire? Naam, le djilbab est obligatoire. Le djilbab est obligatoire. Le djilbab, il commence par la tête. On le met sur la tête et il descend jusqu'au sol. On le met sur la tête, on le pose sur la tête et il descend jusqu'au sol. Mais je ne dis pas à quelqu'un ou à quelqu'une qui a mis seulement le hijab, je lui dis pas, tu vas aller en enfer. Je l'encourage, je lui dis, Inch'Allah ta'ala, tu as mis le hijab, tu t'es caché, alhamdoulilah, mais essaye de mettre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran. Il a dit, yudnina alayhinna min jalabibihin. Essaye de faire comme le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sahabiyat, qui avait le djilbab, et c'est l'habit que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Toi, tu ne vis, yani, que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, essaye de faire ce qu'il aime. Allah subhanahu wa ta'ala aime que tu mettrais le jilbab à la place du hijab. Mais une femme qui a fait le hijab, elle est mieux que celle qui yani, marche avec la jupe ou le pantalon. Mais si elle commence, si elle arrivait, inshallah ta'ala, à mettre le jilbab, elle serait, inshallah ta'ala, beaucoup mieux chez Allah subhanahu wa ta'ala. Elle met une tunique avec pantalon. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Elle met une tunique avec un pantalon. J'ai dit que ça, ce n'était pas permis, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Le pantalon ne doit pas être vu. Il ne doit pas être vu. Quand une femme met le pantalon, il ne faut pas qu'on le voit. Il faut qu'il soit caché et elle le met à cause du froid ou de quelque chose et il est caché de façon à ce qu'on ne sait pas qu'il y a un pantalon au-dessus ou là, en elle, qu'elle met un pantalon. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Prochain sual, inshallah. Salam alaikum. Peux-tu me donner l'explication de ce hadith, inshallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, qu'est-ce que j'ai à faire avec cette dunya? Et qu'est-ce qu'elle me veut, cette dunya? Je ne suis que pareil à un homme qui est en plein voyage, peut à trouver un arbre, et est parti s'asseoir dans l'ombre de cet arbre. Puis il s'est relevé après s'être reposé et il a continué son chemin. Barakallahu fi. Naam, ce hadith est très simple, inshallah ta'ala, à comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire que, yani, cette dunya, ce bas monde, n'a aucune importance à ses yeux. Il a dit, c'est comme quelqu'un qui est en voyage. Ensuite, il arrive devant un arbre, il s'assoit un peu. Ensuite, il se relève et il part. Est-ce que quelqu'un qui est en voyage, moi je pars de Marseille pour aller par exemple à Paris. Je pars par exemple autrefois à Chameau, par exemple. Est-ce que quand j'arrive au milieu du chemin, je trouve un arbre, il y a l'ombre, je vais me reposer un peu. Est-ce que je vais rester toute ma vie sous cet arbre? C'est impossible. L'arbre est là, c'est seulement pour une heure ou la deux heures ou la trois heures, juste pour me reposer et je pars. Ça veut dire que l'arbre a été représenté à la vie, à ce bas monde. Ce bas monde, tu dois rester 20, 30, 40, 50, 100 ans et tu pars. La Bouddha, il dit, tu es obligé de quitter ce monde. Comme tu es obligé, comme le voyageur est obligé de quitter l'ombre de l'arbre. Pourtant, l'ombre lui plaît, l'arbre lui plaît, mais il est obligé de le laisser. C'est pas son but. Son but, c'est c'est Marseille-Paris. Voilà son but, c'est Paris, c'est pas l'arbre. L'arbre, il doit le laisser partir. Malgré s'il reste une nuit, deux nuits sous l'arbre, il faut qu'il parte. La même chose, ce bas monde. Malgré que tu vis, tu dois laisser ce bas monde et partir. Donc, une chose qu'on doit laisser partir, coûte que coûte, à quoi ça sert? À quoi ça me sert que je m'attache à elle d'une façon à ce qu'il me soit difficile de m'en séparer d'elle? Naam. C'est comme ça que font les koufars. Regardez et remarquez que plus tu as de biens, plus tu as de voitures, plus tu as de maisons, plus tu as de villas, plus tu as de ranches, plus tu as de piscines, plus c'est difficile que tu laisses toutes ces choses et que tu meurs. Naam, c'est difficile. Je laisse tout cela et je vais partir. En fin de compte, pourquoi je me suis fatigué toute ma vie pour avoir toutes ces choses? Et je les laisse et je les pars. Et je pars. C'est un peu difficile à accepter. Et plus tu n'as rien, plus c'est facile pour toi de quitter ce monde. Moi, je n'ai rien. Moi, tout m'attend là-bas. Non, c'est pas moi qui vous parle, là, c'est un exemple. Tu dis, moi, j'ai rien. Moi, c'est demain que j'aurai, Inch'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et dunya sijnul mu'min. Il a dit, le bas monde, c'est le prison, c'est la prison du croyant. Wa jannatul kafir, c'est le paradis du kafir. Naam, pour le paradis, pour le kafir, il est dans le paradis. Il a tout ce qu'il veut ici. Et moi, tout ce que je veux par tentation, c'est haram. C'est haram l'alcool, c'est haram la drogue, c'est haram les femmes, C'est haram danser, c'est haram la musique, tout est haram. Naam, sauf les choses qui ne me dévient pas du chemin. Car toutes ces choses que je viens de citer, elles sont haram. Pourquoi? Parce qu'elles ne m'aident pas à aimer Allah, ni à connaître Allah. Ni à connaître, ni à l'aimer. Ces choses-là t'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'elles sont haram. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait jamais quelque chose de bien, il la rend illicite. Mais Allah, quand il te dit quelque chose est illicite, ça veut dire être se pour du mal. Ou bien en ta santé, ou bien en ton argent, ou bien en ta famille, ou bien en tes enfants, ou bien dans l'au-delà. Même, elle s'éloigne du din. Elle s'éloigne, et quiconque est éloigné du din, il va se trouver en enfer ou l'ayad ou billah. Donc c'est pour ça que j'ai dit, ce bas monde, plus on ne s'y accroche pas, plus c'est facile de s'en séparer et de ne pas penser à lui. Maintenant, plus tu as des choses, plus tu es occupé. Comment gérer cette chose et l'autre et l'autre. Et cette chose que j'ai ici, et cette chose que la ferme que j'ai dans l'autre pays, l'usine que j'ai dans l'autre, et ça n'en finit pas. Tu es occupé, occupé, occupé. Alors c'est pour ça que les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, tu vois tous les morts qu'il y a dans le cimetière, tous les morts qu'il y a, sans exception. Si c'était possible que Allah subhanahu wa ta'ala te permettait que tu leur parles, aucun d'eux ne t'aurait dit, alhamdoulilah, moi, je suis mort, yani shbat, ça me suffit le bas monde, ça me suffit, alhamdoulilah, je suis mort. Tous, ils te diront, on voudrait encore. Tous te diront, on n'a pas terminé nos projets. Aucun d'eux n'a terminé son projet. Naam, aucun d'eux n'a dit, là, j'ai terminé mon projet, maintenant j'attends la mort. Aucun d'eux. Si tu as 100 000 dans la banque, tu voudrais 1 million. Si tu as 1 million, tu voudrais 10. Tu as 10, tu voudrais 100. Tu as 100, tu voudrais 1000. Et comme ça. Ça n'en finit jamais. Tu voudrais juste, tu n'as pas où habiter, tu habites chez les gens. Tu voudrais juste une tente. On t'achète une tente en plastique. Et de la tente, tu voudrais juste un petit studio. Un petit studio d'une pièce. Ensuite, pourquoi pas 3 pièces. Ensuite, pourquoi pas un bel appartement, puisque j'ai de l'argent. Pourquoi pas une petite villa. Pourquoi pas une villa, mais avec une piscine. Pourquoi? C'est pas interdit, c'est pas haram. Donc, avec une piscine. Donc, pourquoi pas un petit château. Il y a un petit château qui se vend là, dans la campagne. Pourquoi pas un petit château? Et la même chose pour la voiture. Pourquoi? C'était une petite R4 et ça monte. Ça monte, pourquoi pas une Mercedes? Pourquoi pas la dernière BM? Pourquoi pas un petit hélicoptère? C'est pas interdit d'avoir un hélicoptère, un petit hélicoptère. Pourquoi pas? Et ça ne finit jamais. C'est pour ça que tout est relatif. Tout est relatif. Les grands milliardaires du monde, pour eux, ils sont pas milliardaires. Pourquoi? Vous savez pourquoi? À cause des projets. Les grands projets, les immenses projets. Toi et moi, quand on n'a pas d'argent, c'est quoi notre projet? Mon projet, moi, maximum, c'est d'acheter peut-être un camis. Peut-être d'acheter, maximum, peut-être d'acheter une voiture. Maximum. Qui n'a pas d'argent. Mes projets, yani, ne sont pas beaucoup, ne sont pas grands. Mais quelqu'un qui est milliardaire, il lui faut beaucoup de projets. Et c'est beaucoup de projets. Les milliards qu'il a ne lui suffisent pas. Donc il se voit pauvre. Avec 6 milliards, il est pauvre. Pourquoi? Parce qu'il a des projets qui coûtent des milliards. Des projets qui coûtent des milliards. C'est pour ça que tout est relatif. Yani le milliardaire là, en fin de compte, lui-même, il se trouve qu'il est pauvre. Vu les projets qu'il a. Le grand projet qui demande des milliards. Naam, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Ghina ghina an-nafs. Quand tu te sens. بارك الله فيك على الكلمة الشيخ وشكرا كثيرا الله يوم جعلك من الله عز وجل آمين يا رب العالمين بارك الله فيك الغنى غنى النفس سي الله سبحانه وتعالى عليكم السلام ورحمة الله سي الله سبحانه وتعالى te donne la richesse du cœur, tu te sens riche avec ton cœur, tu es le plus heureux du monde, le plus heureux du monde. Si tu te sens riche avec ton cœur, tu es le plus heureux du monde. Naam. تفضل إن شاء الله فوشان سؤال Une fois rentré dans la mosquée, on dit le salam. Est-il permis de remettre le salam à chaque personne en leur serrant la main qui vient se présenter? Parce que j'ai entendu que c'est une bid'a de remettre le salam à chaque personne différente. Parce que c'est sunna les cheveux longs pour les hommes aujourd'hui. Si quelqu'un te donne la main, ce n'est pas de la sunna de ne pas lui tendre la main en disant que c'est de la sunna de tendre la main. L'astaghfirullah. Je ne pense pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse une chose pareille. Quelqu'un lui donne la main et lui dit non, je ne serre pas la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand deux musulmans se rencontrent, quand ils se serrent la main, les péchés commencent à tomber des mains. Jusqu'à ce que l'une des personnes enlève sa main. Ça veut dire que quand je te rencontre et on se serre la main, celui qui enlève la main, le premier, c'est lui le moins bon chez Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Parce que quand on s'est serré la main, les péchés commencent à tomber comme tombent les feuilles de l'arbre en automne. Ils commencent à tomber. Donc, on a les mains serrées, les péchés commencent à tomber. Dès que on se retire les mains, ou la lundi nous retire, ça veut dire que quoi? On a arrêté les péchés de tomber. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, dans le hadith sahih, il était en train de faire la prière. Quelqu'un est venu, il lui a tendu la main, Abdullah ibn Abbas. Peut-être qu'il ne savait pas qu'il était en train de faire la prière, ou bien il ne savait pas que c'était interdit. Ça fait Abdullah ibn Abbas, en pleine prière, il lui a donné sa main. Le hadith est là, Ibn Hajar al-Asqalani l'a cité dans Fath al-Bari, il a dit sahih. Abdullah ibn Abbas, en plein salat, a vu quelqu'un lui tendre sa main, il lui a tendu la sienne. La hawla wa la quwwata illa billah. En plein salat, il a dit comment celui-là il me donne sa main, je la laisse comme ça vide. Ça se fait pas. Il lui a donné sa main en plein salat. La hawla wa la quwwata. Ça, inshallah ta'ala, ça viendra quand on va parler de salat. J'ai dit que, inshallah ta'ala, quand on va parler de salat, on va arriver à ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Beaucoup de gens se trompent dans la salat. Les choses permises, ils croient qu'elles n'est pas permises. Et des choses qui ne sont pas permises, ils croient que c'est permis. Non, si quelqu'un se trompe dans sa main, ça fait « Eïmouchkin, inshallah ta'ala » parce que Abdullah ibn Abbas est, inshallah ta'ala, dans la nafila. Il se fait tard. Il y a quelqu'un qui me dit « Pensez à vous, allez vous reposer, il se fait tard, yashir. » Jazakallahu khair pour celui qui m'a dit cela. Naam. Et quand je suis avec vous, c'est difficile de vous quitter. Naam. Inch'Allah ta'ala, je vais aller me coucher. Naam. Quand je termine, qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Est-ce que c'est sunna les cheveux longs pour les hommes, barakallahu fik? Est-ce que c'est sunna les cheveux longs pour les hommes, barakallahu fik? Chauffe. Des fois, il y a des choses comme ça, tu ne sais pas. Tu dis, est-ce que cette chose est sunna ou c'est pas sunna? Et tu n'as pas quelqu'un à qui tu poses la question. Tu n'as pas quelqu'un. Tu dis, je connais pas, il n'y a pas quelqu'un pour lui poser la question. Toujours, pour t'aider, dis-toi une chose. Dis-toi, et les grands roulements. Fais-le. Ibn Uthaymin, la yahmo. Avait-il les cheveux longs? Ibn Baz, la yahmo. Avait-il les cheveux longs? Vous avez vu Cheikh Al-Fawzan avec des cheveux jusqu'aux épaules. Vous avez vu Salah Al-Sheikh avec des cheveux jusqu'à son cou. Avez-vous ceci? Toujours. Quand quelqu'un, par exemple, me parlait du turban. Du turban, il aimait faire comme le prophète Aslam mettait le turban et ça. Je lui ai dit, dis-moi, est-ce que quelqu'un aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que Cheikh Al-Albani? Est-ce que tu as vu une fois Cheikh Al-Albani mettre le turban sur sa tête, par exemple? Tu as vu Cheikh Ibn Baz, Cheikh Salah Al-Sheikh? Est-ce qu'ils mettent le turban sur le... Pourquoi? Yani, ils n'aiment pas la sunna? Ils sont contre la sunna? Non. Ça, c'est un signe, yani, quand il n'y a pas quelqu'un qui te montre, au moins, tu dis, je vais voir les grands ulamas, comment qu'ils font? Car les grands ulamas, ils ne vont pas contrarier la sunna, yani, sciemment. Peut-être qu'ils oublient, ils se trompent. Il ne va pas dire la sunna, c'est comme ça, moi je vais faire le contraire. Je ne connais pas quelqu'un qui a dit que laisser les cheveux pour un homme, c'est de la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il laissait des fois jusqu'aux épaules et des fois jusqu'aux là où on met les boucles d'oreilles, là où on met les boucles d'oreilles, mais il ne les laissait pas par adoration. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose dont on va le suivre par adoration. Il le faisait par habitude. Leur, c'était leur habitude. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les cheveux jusqu'aux épaules, là, jusqu'à l'oreille, où on met les boucles d'oreilles, en même temps, Abu Jahl et Abu Lahab et Umayy ibn Khalaf, les kuffars, avaient aussi les cheveux longs. Donc, il l'avait fait parce que c'est une habitude de Qawmou, une habitude des gens avec lesquels il vivait. C'est pour cela que ce n'est pas de la sunna d'aller laisser les cheveux comme ça et dire que je fais comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Tfadla, inshallah, prochain sourat. Est-ce que le fait de ne pas couper les ongles et les cheveux s'applique aussi pour ceux qui prennent un veau? Quiconque va au hajj, ou là quiconque va égorger quelque chose pour l'Aïd, il n'a pas le droit de toucher ses cheveux et ses ongles et toutes les choses-là jusqu'à ce qu'il égorge. Que ça soit un mouton ou là un veau ou là autre chose. Non, il n'a pas le droit jusqu'à ce qu'il égorge. Non, que ça soit un veau, que ça soit un mouton, que ça soit une vache. Non. Tfadla, inshallah, prochain sourat. Y a-t-il une doua? Je remarque, je remarque que vous dites beaucoup une doua au féminin. Je ne sais pas pourquoi, c'est au masculin le doua. C'est un doua, je fais un doua. Je ne vois pas pourquoi beaucoup disent une doua. Un mohem, peut-être c'est une habitude, je ne sais pas. Moi je dis un doua. Doua un, c'est un doua. Un mohem. Y a-t-il un doua à dire à une personne qui a été victime d'un incendie et l'enfant qui a été brûlé? Je ne connais aucun doua qui se dit dans cette circonstance. Ibn al-Qayyim al-Rahmatullah a dit, quand il y a le feu qui brûle, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il s'est basé sur un hadith qui dit comme ça. Les ulama ont dit, c'est un hadith da'if. On a dit, c'est un hadith da'if. Non, on ne dit pas Allahu Akbar ou Allah. Donc quelqu'un qui a été victime d'un incident, un incendie, pardon, on dit قدر الله ما شاء فعل. Bien on dit قدر الله وما شاء فعل. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها. نعم. On dit إن لله وإنا إليه راجعون. قدر الله وما شاء فعل. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها. Et on fait des doua pour demander que Allah سبحانه وتعالى le guérisse. اللهم اشفي ابني. اللهم اشفي يعني ابنتي. Ça dépend qui est le malade. اللهم خفف عنه اللهم عينه اللهم كن له et comme ça on fait des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Si tu, par exemple, tu lui dis, tu parles avec le malade, tu lui dis cette fois اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. Tu le dis sept fois. Tu peux aussi dire les doigts, Allahumma rabbi al-nas, adhib al-bas, wushfi, anta shafi, la shifa'a illa shifa'ak, shifa'an la yughadiru saqaman. Et comme ça, incha'Allah ta'ala. Moi, je dirais à l'enfant qui a été brûlé, as'Allah al-azim, rabbi al-arsh al-azim, an yishfiyak. As'Allah al-azim, rabbi al-arsh al-azim, an yishfiyak. As'Allah al-azim, rabbi al-arsh al-azim, an yishfiyak. As'Allah al-azim, rabbi al-arsh al-azim, an yishfiyak. As'Allah al-azim, rabbi al-arsh al-azim, an yishfiyak. As'Allah al-azim, rabbi al-arsh al-azim, an yishfiyak. Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, in yishfiyik. Voilà, j'ai pas plus que cela. Fadal, inshallah, prochain soir. Un frère a sa mère malade et il doit l'aider à se laver. Comme celui-ci travaille la journée, il ne peut pas s'en occuper. Alors il a demandé gentiment à son épouse, mais celle-ci ne veut pas. Elle préfère sortir avec ses copines. Que conseillez-vous au chef? Nam. Cette femme qui ne veut pas aider, qui ne veut pas aider son mari, normalement elle aurait aidé surtout dans une chose pareille. Vous savez que tout tous les hommes du monde, tous les époux du monde, aiment leur mère. Que les femmes veuillent ou ne le veuillent pas. Et toutes les femmes du monde aiment leur mère, que les hommes le veuillent ou ne le veuillent pas. La femme, en général, si tu veux attirer son amour vers toi, aime sa mère, aime-lui sa mère, et essaie de gâter sa mère, essaie de l'inviter chez toi, essaie, tu vas voir comment ta femme sera ravie de toi et t'aimera plus. La même chose pour la femme. Tu veux que ton mari soit content de toi, ravi de toi, sois bien avec sa mère. Non, des fois, bien sûr, des fois, toi, ma soeur, tu as beaucoup de problèmes avec ta, je sais pas comment que ça, la belle-mère. Avec la belle-mère, c'est connu. Là, les problèmes avec la belle-mère. Jazakallahu khair, barakallahu khair. Les problèmes avec la belle-mère, c'est très très connu. C'est très très connu. Mais, n'empêche que, déjà, tu remarques que tu as des problèmes avec ta belle-mère. Et c'est toi qui as raison, toi qui... et le mari est des fois de ton côté, il ne montre pas à sa mère, mais il sait que c'est toi qui as raison, mais malgré cela, il n'aime pas, par exemple, que tu insultes sa mère ou là-dessus. Ça, c'est une nature, yani fitra, fitra fil insan, fitra. Donc la femme ici, normalement, elle aurait quoi? Elle aurait aidé son mari. Surtout, comment sa mère est malade et elle ne l'aide pas. Regardez dans le hadith sahih, dans le Bukhari, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad, Mu'ad ibn Jabal, ils étaient en voyage, il était sur un chameau très fatigué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était derrière, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste toujours le dernier derrière pour superviser ce qui se passe. Quand quelqu'un est derrière, il voit tout ce qui se passe. Ceux qui sont devant lui, peut-être quelqu'un fait tomber quelque chose. Quand il est arrivé chez Mu'ad, radiallahu ta'ala anhu, Mu'ad, si je ne me suis pas trompé, il lui a dit, Hel tazouwajta, est-ce que tu es marié? Il lui a dit, je suis marié. Il lui a dit, Bikr, yani Bikran am Thayyiban, tu es marié avec une vierge ou une femme qui s'est déjà mariée. Avec une vierge ou bien une femme qui s'est déjà mariée. Il lui a dit avec une femme qui s'est déjà mariée. Non, avec une femme qui s'est déjà mariée. Il lui a dit, Fahalla bikran. Pourquoi tu t'es pas marié avec une bikr? Tu la'ibuha ou tu la'ibuka? Pourquoi tu t'es pas marié avec quelqu'un, il y a une femme qui est vierge? Comme ça tu plaisantes avec elle, elle plaisante avec toi, etc. Qu'a dit le compagnon? Jabir ibn Abdullah. Non, barakallahu fik Jabir. Pas Mu'ad, Jabir ibn Abdullah. Qu'a répondu Jabir? Il a dit, Ya Rasulallah, Astaghfirullah, tu voulais. Yani mes parents, mon père et ma mère sont morts, ils m'ont laissé avec sept sœurs. Dans un autre hadith, c'est écrit neuf. Alors, elles sont toutes jeunes, alors, j'ai préféré ne pas me marier avec une jeune qui viendrait. Elle ne saurait pas comment faire une jeune, je vais faire venir une jeune à des jeunes. Elle ne sait ni les faire cuisiner, ni les faire habiller, etc. Le prophète sallam, Ibn Hajj dans Fath al-Bari a dit que le prophète sallam avait dit comme Barakallahu fik ou quelque chose comme ça. Al-Muhim, Ibn Hajj a dit dans Fath al-Bari, il a dit voilà un dalil que lorsque, ici Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a dit que je me suis marié avec une femme qui n'est pas vierge, ça veut dire avec une femme déjà mariée, il a dit pourquoi? Il a dit à cause qu'elle travaille, elle travaille ma famille, elle travaille mes soeurs, ça, le prophète alayhi salam ne lui a pas dit non. Non. Pourquoi? Elle travaille pas, elle n'est pas obligée de travailler tes soeurs. Elle n'est pas obligée de coiffer tes soeurs et de laver les vêtements, etc. Il a dit, donc c'est un délit pour ceux qui disent que la femme, ce n'est pas obligé pour elle, mais ça rentre dans l'obéissance de son mari d'être debout avec sa mère, avec son père, de les aider, surtout s'ils sont tous dans une même maison. Naam. Donc cette sœur, inshallah ta'ala, ou cette femme qui préfère aller avec ses copines, je ne sais pas quoi, la femme Anna, qui n'est pas debout avec moi quand j'ai besoin d'elle, j'ai pas besoin d'elle cette femme. La femme Anna qui n'est pas debout avec moi quand j'ai besoin d'elle, quand ma femme, ma mère est malade, quand mon père est malade, elle me donne un coup de pied. Elle va avec ses copines au café ou là, je ne sais pas où. Celle-là, la hawla wa la quwata illa billah al-ali al-azim. Voilà ce que je dis. La hawla wa la quwata illa billah al-ali al-azim. Il reste, inshallah, 10 minutes et ça sera 2 heures du matin ici. Tfadlan, inshallah. Prochain soual, inshallah. Salafia. Naam. Il reste 10 minutes, inshallah, il sera 2 heures du matin. Abu Bilal, ou là, où est-ce que c'est qui, là, Abu? Abu. طيب l'admin Abu Abdel Abu Bilal. Naam. Ce que tu m'as posé en arabe, je l'ai fermé. Tu poses dans la salle. J'ai dit l'autre fois, quand vous m'écrivez en privé, ça me fait perdre la concentration. Pose quelque chose comme ça, dans la salle, je la vois. Ça, pour ne pas me faire travailler, je vais ouvrir la fenêtre, je vais lire, ensuite je vais fermer. Pose direct dans la salle, comme ça. Si sur la mixité, y a-t-il divergence? Mon mari veut que je me mélange avec ses frères lors des visites chez ma belle-mère. Je ne suis pas d'accord, car ce ne sont pas mes mahrams. Qui a raison, pouvez-vous juger cette affaire? Non. Il y a des... Mon mari veut que je me mélange avec ses frères lors des visites chez ma belle-mère. Je ne suis pas d'accord, car ce ne sont pas mes mahrams. Qui a raison, pouvez-vous juger cette affaire? Non. Si c'est se mélanger, juste pour parler un peu, salam alaikum, comment allez-vous, comment ça... Non, ce n'est pas haram. Surtout si la femme est habillée, elle est en djilbab, elle est... C'est comme quand elle est dans la rue. Elle n'a pas, elle ne s'est pas déshabillée devant eux là. Mais si c'est mélangé, pour rester du matin au soir ensemble, du matin au soir, rester dans la même chambre, etc. Là, c'est non. Il vaut mieux ne pas être mélangé. Il vaut mieux ne pas être mélangé. Les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Mais ça ne veut pas dire que je ne parle pas avec mes beaux-frères. Il faut que je leur dise pas, salam alaikum, comment allez-vous, comment va ta femme, comment va X, comment là. Ça, c'est pas interdit. Ça dépend donc ce qu'il veut dire par mélanger. Si mélanger, on reste tout le temps ensemble du matin au soir, ça, de préférence, non. Mais si c'est juste pour passer le bonjour, rester comme ça 5 minutes, discuter, ensuite, je suis avec mon mari. C'est pas grave, je suis avec mon mari. Ensuite, je me lève, inshallah ta'ala, ce n'est pas grave, naam. إذا لقيت أخاك فصافحه إذا طيب الحديث ديسي نعم إذا لقيت أخاك فصافحه هذا طيب لكن الشيء الذي أحدثه الناس ولا أعلم له أصلا في السنة أنه إذا دخل المسجد قام يصافحهم واحدا واحدا يمر عليهم هذا ليس من سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المجلس ولا يصافح الناس وإنما يجلس حيث ينتهي المجلس الرد مع اقتباس وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم مشايخنا السابقون لا يفعلون هذا ولا يفعل عندهم أيضا لكن حدث هذا من بعض الإخوة المستقيمين ظنا منهم أن هذه المصافحة مع الملاقات وليس كذلك الملاقات كل واحد يلاقي الثاني أما هذا فرجل دخل على أناس جالسين فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل يسلم على الناس واحد واحدا من كان عنده سنة في هذا فليخبرنا بها نعم ومن ليس عنده سنة فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكان أيضا بعض الناس إذا دخل بدأ باليمين من عند الباب ولو كان أصغر القوم وهذا غلط إذا دخلت فلابد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ ليس صوت موجود بارك الله فيك كان صوت يا أخوة السلام عليكم يا شيخ يا فاطمة جزاك الله خير أبو إبراهيم أجي باه وماركي نعم جي باه وماركي بارك الله فيك حتى جوستومون جيتي على ديغنييغ فراز وي ليتي دي كو ولو كان أما عند الدخول عطا القهوة والشاي والبخور فالباب الأكبر ثم بمن عن يمينك حتى تنتهي ثم عود إلى من على اليمين الأكبر وخذهم واحدا واحدا نعم Et il y a d'autres qui ont dit autre chose, comme Ibn Hajr al-Asqalani, il a joué entre les deux hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kabbir, kabbir, commence avec le grand, et où le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a demandé l'avis d'un jeune qui était à sa droite, qui n'a pas accepté qu'on donne à celui de gauche alors qu'il était plus âgé. Il a commencé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la droite. Cheikh Ibn Hajj al-Asqalani dans Fath al-Bari a joué entre les deux hadiths en disant que il a dit s'ils sont pas assis à l'ordre, ils sont désordonnés. Il a dit, tu commences par le grand, l'âgé. Il a dit, s'ils sont tous assis et bien ordonnés, tu commences toujours par la droite. Tu commences pas par le l'âgé. Il a dit, tu commences toujours par la droite si vous êtes assis et vous êtes ordonnés. Bien assis en faisant par exemple un cercle. Comme dans le hadith du jeûne, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas commencé par l'âgé, il a commencé par le jeûne. Parce qu'ils étaient bien assis et ordonnés. Il a dit, quand ils sont debout et mélangés comme ça, on commence par le grand. De toute façon, ce que tu as dit, barakallahu fik, ce que a dit l'akh, barakallahu fik, reste seulement en ce qui concerne que quelqu'un, quand il rentre, il n'a pas le droit de tendre la main à ceux qui sont assis, qui n'a pas le droit de tendre la main à ceux qui sont assis. Ça, c'est une question à laquelle on voudrait, inshallah ta'ala, on voudrait la chercher, bien la chercher, serrer la main, jazakallah, serrer la main. Je voudrais bien la chercher, bi'ilna subhanahu wa ta'ala, pour être sûr, je n'en suis pas trop sûr. Je ne sais pas si c'est permis de la faire ou si ce n'est pas permis. Je ne sais pas exactement. C'est une question, inshallah ta'ala, on doit bien chercher. Bien sûr, j'ai vu beaucoup de gens de ilm, etc., qui serrent la main. Mais ce n'est pas un délit le fait qu'ils fassent cela. Inch'Allah ta'ala, on va chercher dans la sunna, la vraie sunna bi'ilna subhanahu wa ta'ala. Et on va demander l'avis aussi des ulama, est-ce que cela se fait ou cela ne se fait pas bi'ilna subhanahu wa ta'ala, car ils sont plus savants que nous et ils connaissent inch'Allah ta'ala mieux que nous. De toute façon, barakallahu fi l'akh, celui qui a écrit ces remarques, barakallahu fi. Il reste exactement 5 minutes. Celui qui a une ou deux questions, il reste exactement 5 minutes, par favor. Peut-on écouter les cassettes de Abdelhamid Kushk, Allah yarhamou, il vaut mieux s'éloigner de ces cassettes. Abdelhamid Kushk, Allah yarhamou, il vaut mieux s'éloigner de ces cassettes, parce que quand il parle des hadiths, la plupart de ces hadiths ne sont pas vrais, authentiques. Quand il parle de Aqida, il dit aussi des choses fausses. Et ensuite, il fait des choses qui ne sont pas dans la sunna. Quand il commence à dire, « Man il wahed, man il ahad, man il rahman, man il rahim. » Et commence tous d'une seule voix. « Allah, Allah, Allah. » Tout cela, inshallah ta'ala, ce n'est pas dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Naam. Pardon, inshallah, prochaine question. Naam, inshallah, il reste 3 minutes. Chef, une question d'urgence. Un frère veut se marier avec une sœur sénégalaise, mais elle vit seule en France, sans mahram. Comment faire? Naam, elle vit seule en France, sans mahram. Elle téléphone à son mahram. Naam, si son mahram accepte, même si c'est par téléphone, ça veut dire qu'il a un mahram mais il a accepté. C'est pour ça que Cheikh Ibn Baz, on lui a demandé si on pouvait faire un acte de mariage par téléphone. Il a dit s'il y a les deux témoins, le tuteur, et que ils ne sont pas en train de jouer, vraiment ils cherchent le mariage, il a dit Inch'Allah c'est permis même par téléphone. Naam. Car le tuteur, c'est pas l'essentiel qu'il soit présent, mais l'essentiel c'est qu'il soit Yani consentant, c'est qu'il consente. Il dit, naam, j'accepte ce mariage. C'est pas l'essentiel qu'il soit ce jour-là présent. L'essentiel, c'est qu'il soit consentant. Il a accepté le mariage bi'idnillah subhanahu wa azawajal. Car se marier sans le tuteur, yani, c'est comme si on a sauté le tuteur. Alors on n'a pas besoin de tuteur. C'est pour ça que ce n'est pas permis. Problème d'héritage. Mon grand-père décédé a laissé une maison au rez-de-chaussée à sa mort. Mon père a construit 3 étages au-dessus. Et mon oncle et ma grand-mère ont mis les papiers au nom de mon oncle qui veulent ils veulent de s'approprier toute la maison. Rapidement, est-ce qu'ils ont le droit? Et quel pas revient à chacun? Franchement, mon père a 5 heures, je ne vois pas pourquoi ils veulent s'approprier une chose qui n'est pas leur bien. Je ne vois pas pourquoi ils vont s'approprier une chose qui n'est pas leur bien. Puisque le père a laissé, yani, 5 filles, si je comprends bien. Le père a laissé 5 filles, et ensuite, peut-être que même, il a laissé sa femme. Je ne sais pas si c'est pas écrit ici, c'est pas écrit ici. Mon père, non, c'est ma grand-mère. C'est pas dit ici. Mais, ils n'ont pas le droit de prendre ça à eux seuls, de s'approprier. Il faut qu'ils partagent, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, chacun a son droit, comme c'est noté dans le Coran. C'est pour ça que cette personne, inshallah ta'ala, doit m'envoyer dans mon adresse. Elle m'envoie qui exactement sont en vie. Qui exactement sont en vie des gens qui sont de cette famille. Qui exactement sont en vie en détail. Elle me dit en détail qui sont en vie. Et je répondrai, inshallah ta'ala, par email. Pour les sœurs qui veulent l'enregistrement du DOS, la sœur Abou Hafs, sous le bisou, tout le monde. Sur ce, on se rencontre, inshallah ta'ala, samedi pour le dars, non, samedi, lundi, inshallah, pour le dars du hadith. Pour le dars du hadith, on se rencontre, inshallah ta'ala, lundi, à 19h30, peut-être c'est mieux, à 19h30, française, inshallah ta'ala. Comme ça, c'est mieux, on a une demi-heure à dire, on gagne. Il est possible que demain, je réponds à quelques questions. Il est possible. Possible c'est oui, possible c'est non. Mais notre rendez-vous, c'est Inch'Allah Ta'ala. L'officiel, c'est lundi. Et l'autre, peut-être demain, Inch'Allah Ta'ala. Peut-être. Pour répondre aux questions que j'ai sur le courrier. J'ai beaucoup de questions auxquelles j'ai pas encore répondu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.